Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, oh, oui, 200 fois oui, oui, oh. Oui, 200 fois oui, oui, j'ai rien d'autre. Je suis pas de si bonne humeur que ça. Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. 200 fois oui, pourquoi ? Parce que c'est le 200e épisode. Eh oui. 200 épisodes, un chiffre énorme. Ça va faire 10 ans bientôt, ça fera 10 ans en 2025 qu'on fait le Floodcast. C'est, ouais. On est en fin de saison 9 là, on arrive vers la fin de saison, faut le dire aux gens. On arrive à la fin de tout, de carrière, d'humanité, de réserve d'énergie, ça me nuise. Oui, ça c'est dramatique, mais effectivement, donc 200e épisode et on s'est dit avec Adrien, alors je vais me le dire tout de suite, c'est une idée d'Adrien, c'est-à-dire est-ce qu'on referait pas un épisode un peu libre antenne, mais à la différence du premier épisode où vraiment on épousait la forme libre antenne, il y avait des jingles, des trucs, des machins, et vraiment on écoutait des anecdotes, on répondait à des problèmes, là on va l'auto-centrer. Voilà, le mettre vraiment sur notre petite gueule. Voilà, c'est... Puisque on va parler des... Donc on va appeler des gens, je vais lire des anecdotes aussi, liées au Floodcast. Toutes les histoires, en gros, des auditeurs du Floodcast avec le Floodcast. J'ai rangé ça en catégorie, Adrien. Je te le dis tout de suite. Il y a un petit conducteur. Oh, le bosseur, hein. Non, mais je vais pas tout te dire comme ça, mais c'est vrai que, en petit préambule, comme je l'ai dit, c'est un format qu'on a déjà fait. Et d'ailleurs, je crois que tu as... Dès le début, une petite histoire, parce que c'est dans ça. Le premier épisode Libre Antenne, il y a un homme, un jeune homme, qui nous avait appelé. C'était l'épisode où on disait on résout vos problèmes, en gros. C'est ça. Et donc, je sais pas si c'était la première Libre Antenne ou la deuxième. On en a fait plusieurs. Ah, on en a fait plusieurs. Il y avait Radio Libre, le saison 7, épisode 36. J'ai l'impression que c'est saison celui-ci. 7, donc il y a deux ans, ça doit être ouais, ça. Ouais, ça doit être celui-là. Et ouais. C'était on résout vos problèmes. Et donc, il y avait un gars, un jeune mec qui nous avait appelé en disant ouais, il y a deux filles qui me plaisent et apparemment qui m'aiment bien, j'hésite entre les deux. Non non non non. On l'avait surnommé affectueusement le queutard. Le oui ou le baiser. Oui, enfin un truc du style. Et du coup, on avait passé du temps voilà, à lui poser des questions, à analyser la situation et tout. Et on lui avait dit bah peut-être plutôt cette personne-là, alors je sais plus tellement les critères. C'est-à-dire qu'il y en avait une où il s'entendait bien et l'autre elle lui plaisait plus physiquement, un truc comme ça. C'était et un petit bordel. Il y avait un truc bordel. Bon bref. Et il y a je sais plus un an peut-être, un truc comme ça, j'allais à Party for You. Je me demande même si c'était pas la soirée où j'ai fait un DJ set. Ah, quand t'as été DJ. Bah, je suis toujours, hein. Tu l'as une fois, t'es DJ ah ouais à vie, quoi. D'accord, ok. Bah, t'es DJ résident dans le cœur des gens, quoi. C'est oui, comme ça okay. que je dis, moi, pour moi. Mais okay. voilà. Bah, si mais... je peux te demander de passer mon son derrière tes platines à un moment, tu peux le faire. Tu peux le faire, bon, bah, avec, je j'ai tous les boutons. Tous les boutons. J'ai tous les boutons. Ah oui, d'accord. J'appuie sur un bouton. J'appuie sur un bouton qui dit j'ai tous les boutons aussi. Et un qui dit c'est dans tous les bouquins, mais je l'utilise pas parce que pas ça reste tout. Un linceul. Ouais, ouais. Oui, ça marche pas dans toutes les parties. Ouais, ouais, ouais. Non, voilà, je l'ai jamais utilisé. Et du coup, je suis à vélo, un vélo de location, et il y a deux personnes qui arrivent en courant sur moi, donc je me dis bon, bah, je suis mort, je vais me faire dépouiller. Et en fait, c'était. Un jeune homme et une jeune femme. Et alors je crois qu'au début il me parle, je comprends rien. Non oui, c'est ça le truc. C'est que là, je crois que c'est la fille qui m'interpelle. Et elle me dit, en montrant son pote, elle dit c'est le gros baiser. Alors évidemment là vous avez la ref tout de suite, parce qu'on vient d'en parler. Mais dans la et rue. Moi c'était une ref d'il y a deux ans. Et elle me fait c'est le gros baiser. Donc et je fais... on peut dire aux gens que tu fréquentes régulièrement d'autres gros baisers. Voilà. Le gros baiser, ça veut rien dire pour toi. Bah je lui ai dit non, c'est pas le gros baiser. Un des nombreux gros baisers que tu fréquentes dans ton crew, que vous appelez les bad boys quand vous traînez dans Paname. Le best crew, bien sûr. Non, et elle me dit ça et je fais quoi. Elle fait bah gros baiser et tout. Enfin bon, bref, petit quiproquo, je ne comprends absolument rien ce qu'il me dit. Le mec ose pas trop intervenir et expliquer. Enfin, c'est compliqué. Et ils finissent par me dire que. C'est le mec qui avait appelé avec son dilemme et la fille était une des deux une incroyable, des deux meufs incroyable. Qui n'était pas du tout celle qu'on avait conseillée. Ah. Il avait choisi suivi le conseil inverse. Incroyable. C'est-à-dire qu'on avait vraiment pris le temps, il avait dit je vais faire l'inverse. Et apparemment, il a eu raison parce que ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble et tout. Donc voilà. Il a eu le pif, on peut dire qu'il a eu le pif. Tout ça pour dire qu'on est de très mauvais conseils, mais ça c'était un petit peu voilà, sous-entendu. Donc pour expliquer aussi un petit peu aux gens, j'ai sur l'Instagram du Floodcast, Floodcastpod pod pour ne pas le nommer. Bien sûr. Là, je viens de le faire. Donc je dis faut pas le faire, je le fais. Tu l'as nommé. Plein de gens m'ont envoyé beaucoup de leurs anecdotes. Alors il y avait plein de choses, il y a des points communs. Par exemple, j'ai découvert beaucoup qu'on était écoutés également par des gens, j'allais dire des plus anciens, tel Kamel l'Ancien d'ailleurs que je salue. Bien sûr. Mais voilà, il y a par exemple un auditeur qui s'appelle Sandrine, une auditrice du coup, oui, qui dit ouais, j'ai bientôt 60 ans et je vous écoute depuis le Québec où je vis depuis 3 ans. Je vous ai découvert il y a 2 ans grâce à mes trentenaires de fils auditeurs assidus, mais j'ai depuis écouté tous les Floodcasts depuis le premier, jamais je ne raterai un épisode. Donc voilà, Sandrine régale. Donc pas mal aussi de gens, et on leur fait un gros big up, qui disent que le Floodcast a pu les aider, donc ça fait super plaisir. Et mais attends, juste, pardon, je me permets, parce que c'est vrai que moi, à l'époque où mes DM étaient ouverts, ce qui n'est plus le cas en ce moment, bon, ça changera un jour. Voilà. Ou alors, je vais tout supprimer et changer de carrière. Peut-être. Qui le sait, ça? Ça dépend. Ça dépend du jeu de dés. Non, mais ouais, parce que c'est la bonne auberge. Un D6, bien sûr. Oui. je reçois souvent des gens qui disent que ça les a aidés dans des moments compliqués, difficiles et tout. Parfois même avec des détails sur les moments difficiles et tu fais ah oui non et en vrai ça fait alors bon je réponds pas parce que en gros je l'avais déjà dit mais Instagram est mal fait, c'est-à-dire que tu réponds une fois t'es obligé de recevoir tous les messages à vie, c'est ça, à moins de restreindre la personne enfin c'est compliqué, ça l'ambiance fait. Ça l'ambiance c'est mal fait Insta, ouais, c'est pas compliqué effort à mettre en place. ça c'est très touchant et non et en plus c'est vrai que quand on alors, ces métiers-là, à la base, c'est pas un métier, même si maintenant, c'en est devenu un par la force des choses. Mais il y a un côté... ça rassure un peu sur ce qu'on fait. Enfin, ça donne un peu de légitimité. Puis surtout, on se dit, ça sert un peu à quelque chose quand même. Parce que même si nous-mêmes... Enfin, je sais que moi, consommer du contenu de divertissement, je sais à quel point ça m'apporte et ça me soutient dans des moments où ça va pas. Mais on se dit pas forcément que nous on est ça pour les gens et du coup d'avoir des témoignages ça fait très plaisir. Ouais, c'est pour dire voilà, même si je réponds pas, c'est très touchant. Quoi. Et pareillement. Ouais. Petit truc avant de commencer également, j'arrive pas à se faire des petites digressions, mais attends, c'est le Floodcast, oui ou non? Non. 200... Non. Non. Et non. Ah, pardon. C'est pas du tout le Floodcast. Attendez, et non. Pas chez... Ah non. Ah non, c'est Artus. Pardon. Non, vous êtes Artus. Salut, c'est Artus. Ah, okay. Et ils sont où les costards là pour mes acteurs? Je suis un peu énervé. Donc, j'ai reçu un message d'Alexis. Et Alexis dit, je suis professeur de lycée et j'ai investi sur quelque chose grâce à Adrien Méniel. Je parle de l'agrafeuse sans agrafe. Je la montre à tous mes collègues. C'est absolument parfait comme outil. J'en avais déjà entendu parler et vu sur les réseaux, mais j'ai passé le cap quand Adrien en a parlé et je suis de tout cœur avec lui. Putain. Alexis, professeur. Géraldine Naquet, je sais qu'elle n'écoute pas. Je ferai un clip de ça et je lui enverrai. Voilà. Surtout c'est ma gueule. C'est tellement un prof que son adresse mail c'est @biprof.fr. C'est vraiment un prof. Bi comme être en anglais? Non, comme une abeille. Ah, d'accord. B-E-E prof. Ouais. On dirait une start-up de prof. Peut-être c'est un menteur. Peut-être c'est ça. Non mais oui, peut-être. Mais c'est bien sûr. Alors pourquoi pas. Quelqu'un d'autre nous a envoyé un message qui dit: bonjour les gars, je voulais devenir journaliste. J'ai 22 ans. Et j'ai été pris c'est un secteur assez bouché, et j'ai été pris dans aucune formation. Alors j'ai décidé... Grâce à vous. Alors j'ai décidé de faire une année de pause pour avoir des stages et pour avoir de l'expérience dans le domaine. Sauf que là encore, vu que je viens d'une petite ville, je galérais. J'ai fini par avoir un entretien dans une radio et au bout d'un moment, dans l'entretien, ils me disent « Dans 20 minutes, tu dois faire une chronique dans la matinale. » Wow. Coup de pression. Sauf que j'avais absolument rien préparé. Et j'ai pensé au Floodcast, je me suis dit « Vole tout. » Quoi, pourquoi, pardon? Je vais tout voler du Floodcast. Okay, okay. Ah, j'ai repris de nous. Oui, okay. Bien sûr. Du coup, j'ai repris le coup. Non, il a pas volé toute la station de radio. Non, mais je crois que c'était genre. J'ai pensé à ce que faisait le Floodcast. Ah oui, vole tout, et j'ai fait pareil. Dis donc. Et oh, Calmos, pas. J'ai oublié son nom. Les amis, appelle-le les amis. Les amis. Erwan, il s'appelle, j'ai pas dit Erwan. Son nom. Du coup, j'ai repris le concept des News Insolites et je les ai posés à l'émetteur. Ils m'ont pris et depuis je fais des études en journalisme uniquement car j'ai déjà une expérience dans le domaine et j'ai une expérience dans le domaine car j'ai plagié le Floodcast. Génial. Bah alors franchement, honnêtement, si c'est pour ça, plagier. De toute façon, on plagie des grossettes nous-mêmes. C'est ça. Alors j'aimerais quand même dire un truc parce que j'ai fait des émissions de divertissement récemment qui plagient également des gens d'internet, des gens des podcasts. On est les seuls qui assumons voler. Ah bah bien sûr. C'est incroyable quand même. Ah bah. Dites que vous. Non non. Alors je me permets. Ah permets-toi. Amixem assume complètement de plagier MrBeast. Parce que là, je suis dans une période où je regarde tout Amixem. Il faut savoir qu'Adrien m'envoie un message quotidien concernant les vidéos d'Amixem. Je sais que Thomas Deuzer nous écoute. Je crois qu'Amixem aussi, à l'époque, il nous écoutait. Mais Amixem, il nous avait écouté dans une vidéo cache-cache. Et... j'ai tout revu. Et elle, plus que... enfin, Adrien jalouse un peu la relation qu'a Amixem avec ses collègues. Je suis jaloux de la vie d'Amixem. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Il est avec ses potes. Il fait des vidéos, il se marre, ils ont des déguisements, il a un bateau, il sait jouer du piano, tout va bien en fait. Il fait des Legos. Il a une femme, des gosses, tout, c'est super. Il vient de lancer des burgers, je l'ai acheté, son burger vegan est délicieux. Voilà, bah, je suis jaloux d'Amixem. Jaloux de la vie d'Amixem. Voilà. On avait fait une pub pour Amixem, souviens-toi, pour Space Fox. Bien sûr, je m'en rappelle, je m'en rappelle totalement. On l'aurait fait pour aucun autre youtubeur, mais Amixem. Non mais je sais plus pourquoi on parlait de... Oui, et c'est la blague qui me fait beaucoup rire, c'est vraiment il assume totalement de plagier MrBeast. Il a fait une voix, il a fait une voix, la voix française dans la chez MrBeast. C'est marrant. Et puis, alors pourtant, moi à l'inverse, je hais MrBeast. Ah bah oui. Mais, pas du tout bonne vibe. Moi, parce que je sais que Amixem, il adore MrBeast et il aimerait devenir MrBeast. J'espère qu'il ne deviendra jamais MrBeast. Non, je pense qu'il est assez intelligent. Il est assez intelligent pour le faire à la française et il sait... qu'il y a un truc qui joue, enfin je dis ça, je le connais pas assez, je l'ai vu 3-4 fois, mais je le connais pas du tout, même on peut le dire. Bah j'ai fait le roast avec lui, donc on a passé une petite journée ensemble et il a fait un truc très marrant. Donc il s'est pas présenté à moi, comme si on se connaissait. Donc moi je me présente, il fait ah c'est un peu gênant, on s'est déjà croisé. Et je dis non. Il dit ah si, tu t'en souviens pas. Je dis je crois qu'on s'est vraiment jamais croisé à Mixem. Et il me dit ah ouais, et à Dinard, c'était Jules Fou. Cela dit, vous étiez croisés au parc Astérix quand on a fait le jeu de McFly et Carlito. C'est vrai, mais là on avait tous les deux oubliés. Donc vraiment, deux cons pour moi. Et Amixem, embauche-moi dans le crew. Prends-moi en quatrième. Le floodcast peut s'arrêter à tout moment. Ça ne posera aucun problème à Adrien. Alors, non, je viens de me rendre compte que je n'avais plus d'argent. Ah merde. Donc, non, si, ça va. Ça va, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Je n'en gagne plus en fait. Voilà. Oui, oh, c'est ça. Une petite période. Oh, ça va mal. Ça, c'est... Alors, premier chapitre. Parce que là, c'était un peu le bordel. Premier chapitre, les auditeurs du Floodcast au travail. Ok. C'est des anecdotes de gens qui, sur le lieu de travail, ont vécu des choses grâce ou à cause du Floodcast. Parce que si c'est que grâce, c'est pas très marrant. On va commencer avec un petit à cause. Kevin, qui nous envoie un mail, qui nous dit « Je vis à Rennes et je vous écoute tout le temps. Et en 2022, quand vous dites que vous allez faire un live à Rennes, je suis évidemment chaud. Je me rappellerai toute ma vie du jour de l'ouverture de la billetterie pour le 2 mars, jour de mon anniversaire, et jour de sortie du film The Batman. Je suis projectionniste dans un cinéma. Pour résumer, mais alors d'une façon plus que concise, j'ai regardé le film quasiment en entier sur mon temps de travail, tout en prenant ma place pour le live. J'ai été chopé, je me suis fait virer, en partie à cause de The Batman, mais aussi à cause du Floodcast. Plus tard, j'ai choisi d'aller à la crémaillère d'un ami plutôt qu'au Floodcast Live, et aujourd'hui, ce n'est plus mon ami. Évidemment, je regrette, s'il vous plaît, repassez à Rennes, je vous rappelle que je suis chômeur. Voilà. Bon, évidemment, si jamais on repasse à Rennes, on mettra une petite place pour place le Kev. Et peut-être un petit Blu-ray de The Batman. On peut peut-être investir dans The Batman, alors on sera déguisé en Batman sur scène. Ça semble bien plus probable que ça. Ouais, voilà. Beaucoup de chance. Bonjour à vous deux. Mon anecdote en rapport avec le podcast, c'est tout moment quand j'ai dit à Flaubert sur Instagram que je n'avais pas aimé la saison 1 de LOL qui ressort et que c'était pas forcément nécessaire de le mettre sur son CV. Attends, de quoi? Pardon. Il m'avait envoyé un MP à l'époque, alors j'avais oublié, pour me dire je viens de voir la saison 1 de LOL qui ressort sur lequel j'avais travaillé. Je sais pas si les gens s'en souviennent. J'avais travaillé sur LOL qui ressort. Sur les happenings de Kian Kojandi. D'accord, voilà. C'est vrai que j'avais oublié moi-même. Bah oui. Après, je suis parti et ça a surcartonné et je suis passé à côté de beaucoup d'argent. Oui, je suis parti de la flamme et du flambeau, je te rappelle. Donc voilà. Bref. J'ai refusé LOL qui ressort aussi. Donc voilà, quelqu'un qui fait d'excellents choix. Et là, flashback de quand je dis je n'ai plus d'argent. Oui, bah oui, pauvre con. Oui. Donc oui, il m'avait envoyé un message et c'est vrai que je me souviens de la phrase « C'est pas forcément nécessaire de le mettre sur son CV ». Là, tu l'as bloqué, j'imagine. Alors, après l'avoir insulté, sûrement. Il a mis entre parenthèses « Pour qui je me prends ?» Donc Victor a le recul. Hein. Bien sûr. Victor a quand même le recul. Flo en a ensuite évidemment parlé dans le Floodcast. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est dans le segment travail. Et ben, dans la boîte où il était, plusieurs personnes de l'Open Space étaient des auditeurs assidus du Floodcast, voire même fans pour certains. Et lors de la pause midi où on discute du dernier épisode, où Flaubert parle de mon DM sans citer mon nom. S'en est suivi une lampée de réflexion. Mais pour qui il se prend ce type? C'est sûr que le mec c'est un connard. Faut vraiment être une merde pour dire ça. Surtout que moi j'ai bien aimé. Il en rajoute. Je pense qu'il en rajoute. Voire même toute l'histoire est fausse. Mais ça me régale quand même. Bref, vous aurez compris, un bon gros moment de solitude, et je me suis rendu compte que c'était très bête d'avoir dit ça et que ça ne valait absolument pas la peine. Donc voilà, ça. Comme quoi, il faut humilier. Non, non, bien sûr que non. Non, non, mais non, mais en vrai, moi, j'aime bien les histoires comme ça où les gens ils disent putain, genre une sorte de enfin, il y a pas de rédemption parce qu'il y a pas, y a rien de grave non plus, mais durant de enfin, c'est cool de se rendre compte aussi que qu'on en a. Mais oui. On a dit putain, mais c'est con, pourquoi j'ai fait ça et tout. La prochaine anecdote nous vient de Camille qui nous dit que son anecdote se déroule pendant le confinement à la période des derniers cours en visio. Une après-midi comme les autres, j'allume Teams, prends soin de couper ma caméra et écoute le cours comme une bonne élève. C'est vrai que ça, c'est toute une période qu'on n'a pas connue parce qu'on était déjà bien vieux. Oh là là. Oui. Mais les cours sur Zoom, sur Teams, etc. Donc souvent les gens coupaient la caméra, coupaient le son, etc. Au bout de 4 secondes, j'arrête de suivre. Pour commencer à vaguement dessiner en laissant un épisode du Floodcast tourner en fond. Après quelques minutes, je remarque que mon téléphone est noyé de notifications sur le groupe de ma classe. Je jette un coup d'œil sur la visio et me rends compte que mon micro est parfaitement allumé. Avec le regard de ma prof figé dans le vide, j'éteins l'épisode timidement et se passe 10 minutes d'engueulade lunaire sur à quel point moi et mes amis, parce que oui, elles vous pensaient dans la même pièce que moi, nous étions immondes et que c'était inacceptable de parler de ce pauvre Indien qui s'est mis un câble d'iPhone dans l'urètre. J'ai envie d'y mais croire, oui, mais j'ai envie de pas du tout y croire aussi. Oui, je comprends. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que le début est plausible et qu'à la fin, ils en rajoutent. Mais je suis en train de gâcher tout le concept, peut-être. T'es en train. Oui, mais t'es comme ça. Là, c'est un autre truc beaucoup plus. Ça veut dire que la prof, elle a vraiment écouté tous les détails du truc. Je sais pas, ça peut tomber. Ça peut tomber sur un moment où on le racontait. J'ai envie d'y croire, moi. Ouais, excuse-moi, ouais. J'ai envie de recouper sur les dates déjà. T'as vu l'état de ce monde ? J'ai envie d'y croire. Allez, rêvons. Voilà un truc. Voilà. Léo à Marseille, alors je dis pas son restaurant, mais il me dit quand je vois des clients avec du merch Floodcast et je glisse des refs, et s'ils captent, j'offre des verres. Oh, génial. Adorable. Oh là là là. Il dit ça, c'est un plat qui va envoyer du sexe. Le Floodcast. Allez, bonne mère, parce que c'est à Marseille. Bah attends, faut dire le nom du resto, mais sinon tout il le monde l'a pas aller. Donné, il me l'a pas donné. Ah ouais, ouais. J'ai fait, voilà, il me l'a pas donné du tout. On va appeler un auditeur, oh, wow. Voilà, qui écoute le Floodcast. Allô. Oui, allô, bonjour. C'est le Floodcast. Comment ça va? Oh, ça va très très bien. Bon. Ça va très très bien. Comment tu t'appelles? Jacques. Jacques, bonjour Jacques. On t'appelle parce que tu as une anecdote liée au Floodcast sur ton lieu de travail. Tu m'as envoyé un mail. On t'écoute. Oui, oui, oui. Ok, oh là, je m'attendais pas à être appelé. Bon, en fait, je suis pédopsychiatre dans la vraie vie. D'accord. Et c'est pas ce qu'on croit. Enfin, oui. Dans la vraie vie, déjà, c'est bizarre de dire dans la vraie vie, en fait, parce que donc dans la fausse vie, là, tu es quoi? Tu es Batman? Non, mais c'est bref. Et donc ça m'arrivait il y a quelques jours. J'étais en pause, j'attendais un client, j'étais en train de lire un livre. On dit patient quand on est pédopsychiatre normalement, mais. Ouais, mais vu le prix qu'on facture, on peut parler de client. Et du coup, j'étais en train de lire un livre pendant ma pause, d'ailleurs qui est très, je conseille, hein, si je peux me permettre, qui s'appelle Itinéraire d'un con, qui est très très drôle de Baptiste Lorbert, qui est un peu dans le sujet parce que ça parle de quelqu'un qui est, enfin pour nous les professionnels, oui, qui a un peu la même voix que vous d'ailleurs, un peu. Pardon. Non, rien. Mais le on va peut-être pas faire 10 minutes sur le bouquin, c'est pas le sujet de l'anecdote, j'imagine. Oui. Non, c'est pas le sujet, c'est juste que c'est en lien avec mon travail et c'est très drôle. Bref. Ah ouais. D'accord. Et du coup, c'est dit. J'ai une patiente qui arrive, donc une petite fille, et au bout de 20 minutes où elle se livre, etc. Je me dis, c'est quand même assez incroyable d'avoir autant de vie alors qu'elle a à peine 10 ans, une expérience de vie aussi folle. Et en fait, alors bon, secret professionnel, on s'en fout, mais c'était Mimi Mati. C'était pas une petite fille. D'accord. Très bien. Voilà. D'accord. Et ok. Et c'est quoi le bouquin que vous lisiez dans la salle d'attente? C'est Itinéraire d'un con. D'accord. C'est super, c'est de l'auteur, c'est Baptiste Lorbert, c'est vraiment très très drôle. 10 minutes à perdre, on parle YouTube, bien de... On parle du youtubeur. Le youtubeur, exactement. Oui. C'est vraiment très très drôle, il faut le commander. Mais... Et c'est oui. Quelqu'un, si je lui disais Baptiste, qu'est-ce qu'il répondrait? Quoi? Pas non, attendez, wow. C'est incroyable, on dirait. Attends, quoi? Merde. Hein? C'est pas Baptiste, c'est Bat normalement qu'on dit. Oui, c'est vrai. Mais bon, il a quand même. Eh oui. Oui, mais c'est vrai qu'il faisait des trucs comme ça sur internet avec oui. Son pote là. Oui. Bat. Oui. Bat. Oui. Bat. Quoi? Non, c'est incroyable. Il n'arrive pas à s'en empêcher. C'est Baptiste. Ah, vous avez dit Jacques? Bon. J'ai entendu Jacques. Je capte très très mal. Oui, Jacques, merci de nous avoir appelé, Jacques. Bah, c'était un plaisir. Merci à vous. Bonne émission. Au revoir, Jacques. J'adore ce que vous faites. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Le Floodcast, c'est aussi des running gags. Bien sûr. Parfois un peu lourd, ce qui fait de nous. Parfois, une, voilà, l'équivalent de Rick et Morty, un petit peu. Ouais, bon, voilà. Les fans de Kaamelott. Voilà, évidemment. Mais, voilà, c'est la 200e, on est obligé d'en parler. Et un des premiers qui est arrivé un petit peu dans le. J'ai envie de parler de l'or, mais j'ai envie de me poignarder aussi quand je dis ça à haute voix. Mais c'est le Dr Guigui. Ah oui. Le Dr Guigui. Donc, pour les gens qui suivent le podcast depuis pas longtemps et qui n'ont pas écouté les épisodes, c'était un ophtalmo extrêmement mal noté sur Google, avis. Et mal noté et avec des témoignages terribles. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. C'est les avis étaient catastrophiques. J'ai une petite anecdote de Anne qui nous dit un jour, un de mes collègues avec un léger souci à l'œil, il est un orgelet. Il a mal, c'est horrible. Son œil grossit de jour en jour. Bref, on lui dit tous d'aller consulter. Il finit par y aller, il revient le lendemain un peu traumatisé. Le docteur l'a opéré direct, une petite incision sans anesthésie. Ça lui a fait extrêmement mal et il ne va là vraiment pas mieux. Quelques jours passent et quand je suis à côté de mon autre collègue, je vois sur son tel et la capture d'écran des coordonnées du docteur Guigui. Je lui dis en souriant, mais t'écoutes le Floodcast ? Il dit non, pas du tout. Et donc là, on se met à lui expliquer le contexte docteur Guigui. Putain. Et elle me dit, t'es sérieux ? C'est un pote qui me l'a conseillé. C'est l'adresse que j'ai donnée à Philippe pour son œil. Tout s'explique. Mon collègue Philippe n'a pas perdu son œil, mais du coup, j'ai eu la preuve, même si j'en doutais pas, que le docteur Guigui n'est pas très bon à son travail. Aïe, aïe, aïe. On va appeler même. Je rappelle que mon frère a envoyé son fils chez le docteur Guigui. Eh ben écoute, tu crois pas si bien dire, puisque l'auditeur qu'on c'est va appeler. C'est mon frère. Non ? C'est mon neveu. C'est ton neveu. Oh ! Allô ? Oui, allô ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Salut. Je suis. Donc on est avec Milio Méniel. Milio Méniel, le qu'est-ce man. Sonne bien ? Comment vas-tu ? Bah très très bien et vous ? Écoute, ça va très bien. C'est pas que des gens qu'on connaît hein, dans cette libre antenne. Je dis parce que là les deux premiers c'est des gens qu'on connaît. Moi je connais personne ici. Hein. Oui, bien sûr, c'est vrai. Le nom de famille est un hasard total. Voilà, sachant que ton oncle a un tout petit peu viteuf spoilé en disant que effectivement ton père t'avait envoyé voir le docteur Guigui. Ah là là, le spoiler. Eh oui, ça spoil un petit peu, mais est-ce que c'était peut-être la fin de comment ça s'est passé ? Moi c'est ça ma question. Comment c'est arrivé ? Alors, comment c'est arrivé ? Bah déjà, c'était un moment où, au niveau de la vision, je me disais, bon, il y a peut-être un petit problème. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais en parler à mon père. Il a regardé les ophtalmos près de chez nous. Et je pense qu'il a pris effectivement la première personne venue. On peut préciser que ton père a une chaîne YouTube basée sur la médecine. Exactement. Voilà. Mais aussi la particularité du docteur Guigui, c'est qu'il était toujours dispo. Je oui, pense c'est que pour ça que Julien l'a prise parce que c'était une urgence. Il devait être dispo très vite. C'est sûr. Voilà. Surtout qu'en plus, oui, c'était capital de me soigner directement dès le lendemain. Ça, c'est, ouais. C'était évident. C'est vrai, c'est sarcastique ou c'est vrai ça ? Sarcastique, non, évidemment. Ouais. Il n'y avait aucun problème urgent. Yes. Donc, le matin, en gros, avant d'aller chez l'ophtalmo, je devais me mettre des gouttes dans les yeux qui rend ma vision totalement floue. Okay. Mais vraiment, je ne voyais rien. Donc, du coup, j'y suis allé seul. Bon, mis à part ça, il a son prime, hein, le daron. Mais voilà, j'y suis allé à moitié aveugle seul. Donc, dans le métro, j'essayais de capter à peu près genre les diodes, quand est-ce qu'il fallait que je descende. J'avais peur de descendre n'importe où. Et, ouais. Et je suis arrivé. Je sais même pas comment j'ai fait pour vraiment reconnaître l'endroit parce que déjà les noms de stations c'était compliqué, alors les numéros de rue c'était pire. Ouais. Du coup je suis arrivé, déjà là la pièce faisait 2 mètres carrés, il y avait 45 personnes. Ah, donc wow. J'ai fait, ah oui, il y a de la place tout le temps, mais par contre t'attends 2 jours pour passer. C'est ça. Ouais. Et en plus, donc moi qui étais quasiment aveugle, je ne savais pas du tout où me mettre. Quand on me demandait de signer des trucs et tout, j'étais, mais c'est moi, vous êtes renseigné sur ce que vous me mettez dans les yeux ? Parce que je devais faire plein de trucs vraiment qui nécessitaient de bien voir. Du coup, après, j'ai dû attendre, je pense, une bonne heure. Voilà. Ensuite, j'ai été voir du coup ses assistantes. Parce qu'en fait, il faut savoir que lui, tu le vois pas trop. Bon, déjà parce que t'es à moitié aveugle. Et en plus, parce que voilà, en oui, termes de considération. C'est une légende un peu. C'est-à-dire que tu peux pas avoir accès à lui tout de suite comme ça, direct. Oui. C'est ça, comme c'est Britney ça. À Las Vegas où il y a des petites cabines et tu peux l'avoir pendant juste 5 minutes. En plus, c'est vraiment ça. Hein. Tu le vois vraiment dans une petite cabine. Hein. Et du coup, donc elle me fait des tests et tout. Du coup, je dois lire des lettres. On me donne pas d'informations si j'ai raison ou pas. Donc voilà, on me dit que c'est justement le docteur Guigui qui va tout me raconter. Et donc après, on m'amène dans une pièce et on me dit il va venir vous voir. Donc là, je réattends, je pense, 20 minutes dans la pièce. Et quand il arrive, à aucun moment, il regarde mes yeux. Il se fait comme ça, il fait « oui, non. Je crois que je n'ai même pas réussi à comprendre ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit « oui, voilà, allez vous chercher des lunettes. » Donc, actuellement, j'ai des lunettes, mais je ne sais même pas si j'ai vraiment un problème de vue. Et du coup, mon père me rejoint. Quand je recommence à voir net, donc très utile. Mais et du coup, on va chez l'opticien. Donc, je montre l'ordonnance et à partir du moment où il lit l'ordonnance, il regarde mon père un peu avec un air de « qu'est-ce que tu fais, mon ref ?» et il dit « ah, le docteur Guigui, faut pas y aller. » il a dit de tous les ophtalmos, vraiment, c'est le pire. Oh là là. Et du coup, voilà, je pense qu'il... Ça se trouve, il m'a donné des lunettes, mais il s'est dit, ouais, en vrai, il en a pas besoin, mais bon, voilà. Mais de toute façon, s'il a pas regardé tes yeux, comme tous les bons ophtalmos, c'est que normalement. Oui, c'est ça. Oh là là, incroyable. Bah, écoute, quand t'as un stade de sagesse très élevé, surtout, faut jamais regarder les yeux. Mais bien sûr. Pas besoin. C'est une perte de temps. C'est un ninja de l'ophtalmologie. Bon, écoute, merci beaucoup, Milio, pour cette anecdote. Ça fait plaisir d'avoir un insider. Bah oui, on a pas eu d'insider et qu'en plus, il soit si proche de la famille. C'est incroyable. Bah, merci beaucoup, Milio. De rien. Bon, un gros bisou, et gars. Et à après-demain. Oh là là, ils se connaissent grave. Je connais pas. Ok, sublime anecdote. Alors, Adrien, j'ai encore autre chose à te proposer sur le docteur Guigui. Mais je te propose qu'on passe un cran au-dessus. Oui. On va appeler quelqu'un qui a tout simplement taffé pour le docteur Guigui. Le double. Allô. Oui, allô, bonjour. Comment vas-tu? Salut, ça va et vous? Ça va très bien, merci. C'est le Floodcast. Hugo, comment vas-tu, Hugo? Eh ben, très bien, enchanté. Enchanté, merci. Ravi de vous avoir au téléphone. Mais ravi. Alors, on vient de raconter une histoire du docteur Guigui, quelqu'un qui nous a appelé, qui était patient du docteur Guigui. Toi, c'est différent. D'accord. Tu as été stagiaire du docteur Guigui. Exactement, c'est un stade un peu au-dessus, quoi. Ah ouais, juste en plus. Bah là, il y a des insights de fou. Alors, sachant que c'était il y a plus de 10 ans, donc ça, déjà, c'est assez dingue. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Bah, déjà, c'est ce qui est un petit peu dingue, c'est la façon dont je me suis souvenu que j'ai fait ce stage d'observation. C'est en écoutant le podcast, justement, j'ai pas percuté tout de suite que votre docteur Guigui, c'était le même docteur Guigui que j'avais eu l'occasion de voir. Bah, c'est le docteur Guigui, hein, on peut le dire. Hein. Bah, le seul et unique. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je m'en suis aperçu je sais pas pourquoi. Un jour, j'ai percuté en écoutant le podcast. J'ai été voir sur internet effectivement sa tête et je me suis rendu compte que oui, c'était bien lui, quoi. Incroyable. Donc déjà, ce qui est drôle, c'est la façon dont je m'en suis souvenu. Incroyable. Et après, sur les insights, effectivement, j'ai pas forcément autant d'anecdotes que ça. En fait, c'était très court. Hein. C'était juste un peu un stage d'observation, quoi, de lycée, de découverte professionnelle, quoi. Mais j'ai tout de même une question, donc... parce que là on a lu beaucoup d'avis extrêmement négatifs. Est-ce qu'à l'époque déjà il y avait un truc un peu où tu sentais qu'il n'était pas à donf, ou est-ce que c'est avec le temps qu'il a parce que c'est ça, ouais, aussi ça, il y a trouve, des fois des gens au fil du temps qui perdent un peu, voilà, ça se trouve il avait la flamme il y a 10 c'est ans ça, exactement. Et puis il l'a perdu, quoi. Et peut-être que maintenant il est même aux flammes la ouais. cérémonie de rap et qu'il a posé que... avec la fouine. Ah ouais, c'est Guigismo le rappeur. Bien joué. Ce qui s'est passé, c'est que bon, effectivement, il y avait un rythme qui était énorme, quoi. Il y avait énormément de patients, tout ça, ça c'est clair. Ouais. Par contre, après, à l'époque, bon, il avait toujours été très correct ou quoi, donc enfin, j'ai pas. T'as pas vu de mauvais traitement, quoi. T'as pas été non, comment... ça, ouais. ça va. Okay, après, okay. C'est sûr qu'après des fois, il lançait un peu des punchlines aux patients, c'était c'était parfois oui. un peu parce que des fois, on en rigole, mais c'est vrai que même des fois, tu lis sur Google Avis, il y a des trucs problématiques. Hein. Là, on fait des vannes et tout, mais mais ça c'est clair. Ouais. Après, bon, il y a effectivement, je me souviens. Bon, c'était quand même un petit peu rapide en consultation, on va pas se mentir, quoi. Ouais. Et puis, il y a des patients qui parfois étaient très surpris, et moi, dans le fond de la pièce, qui était un peu... ouais. qui savait pas trop où mettre. Oui. Ouais, mais bon, ouais. Globalement, après, il m'avait bien reçu par ailleurs, quoi. Mais, ouais, c'est, mais... finalement, ce qui est le plus drôle, c'est comment je me suis souvenu, en fait, de ce passage, quoi. Parce que. Ouais, parce sans que le podcast, t'aurais oublié. Oui, c'est ça. Tu es maintenant ophtalmo ou pas du tout? C'est vraiment un stage d'observation de quand t'étais. Alors, plus jeune. Je suis en médecine aussi, mais je suis pas ophtalmo. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Bon, tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai quand même poursuivi les études. Oui, t'as pas gâché le plaisir de la médecine, et ça, c'est assez beau. Tout va bien pour toi, tout roule. Bon, bah, trop bien. Bah, merci de nous avoir appelé. C'est nous qui t'avons appelé, donc c'est pas vraiment ça la phrase, mais merci en tout cas. Ça fait trop plaisir de vous avoir eu au téléphone, en tout cas. Bah, c'est cool, gars. Merci beaucoup. Salut. Et si je peux me permettre, oui. Je fais une petite dédicace à Julie et Karl. Voilà, oh, je sais joli, pas si... c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on peut le permettre. Ça me donne l'impression d'être D-Fool, donc pourquoi pas. Bah, bisous, gars. Parfait. Salut, ciao. Salut. Salut. Le docteur Guigui, c'est une chose, mais il y a autre chose, Adrien, dont on parle beaucoup dans le Floodcast. Ce sont les singes qui agressent des humains. Alors, j'ai été étonnamment surpris du nombre de gens qui avaient été agressés par des singes. Alors, j'ai deux auditeurs qui ont envie de partager leur histoire avec nous d'agression de singes. Oui, allô ? Oui, bonjour Nora, c'est le Floodcast, comment vas-tu ? On t'entend pas très bien. Tu nous entends? Tu as une anecdote, paraît-il, liée à une attaque de singe. T'es en train de pleurer, oui. On est d'accord là. Là, il y a des bruits de quelqu'un qui pleure. Non, c'est pas. C'est juste de me remémorer l'histoire. Peut-être d'accord. Que ça fait un peu badé. Bien sûr. Non, alors. Mais. Bah, pour l'histoire, c'est juste que quand j'étais enfant, j'ai grandi en Alsace. D'accord. Donc dans une région que vous appréciez bien. Bien sûr. Et j'ai eu l'occasion du coup d'aller à la montagne des singes avec ma mère et mon frère quand j'étais enfant. C'est un zoo en gros. Alors avec oui, que des singes, je sais pas si tu te souviens, hein, j'en avais parlé. C'est un endroit effectivement où les singes sont en liberté et tu as du pop-corn. Alors moi à l'époque c'était du pop-corn que tu peux donner aux singes et ils viennent le prendre dans ta main. Ils sont derrière une grille ou ils sont. Non, ils sont okay, en liberté. Ils sont en liberté. Okay, et souvent ils piquent d'ailleurs des trucs dans les sacs d'accord, à main. Okay. Et peut-être ils violentent une enfant, mais on va écouter voilà. Nora. Oui. Et du coup, bah, j'étais tranquillement en train d'observer les singes. Faire leur vie, et il se trouve qu'il y en a un qui m'a sauté dessus, qui a mis ses pieds sur ma taille et qui m'a pris par le col du t-shirt et m'a secoué, il m'a agressé, quoi. Merde, pardon. Non, l'image était drôle, pardon. Je sais pas si t'as écouté dans les derniers épisodes, oui, mais on parlait d'images un peu cartoon parfois, et le singe qui te chope par le col et qui te secoue, genre. Mais réveille-toi enfin! Réalise ce que la vie a à t'offrir, bordel! Bah justement, j'y ai repensé en écoutant l'épisode avec Pierre Ninet et Géraldine Nakache, et ça m'a fait du coup repenser aussi à mon histoire. Mais aïe, aïe. Voilà. Mais est-ce que ça t'a fait mal ou ça a été juste un choc tout à fait légitime mais émotionnel? Bah, en vrai, je suis pas traumatisée, j'ai pas peur des singes à l'heure actuelle maintenant que je suis adulte. C'est bien, mais c'est juste que. T'as recroisé d'autres singes depuis ou pas? Parce que ça se trouve que. Oui, ok. Ouais, d'accord. J'ai croisé des singes, mais en cage. D'accord. Ah, okay. Ah, tu pourrais. Est-ce que tu te sentirais là de retourner au royaume des singes, par exemple, à la montagne des singes, pardon. En vrai, je pense que je pourrais, mais okay, bon, j'avoue que les singes, c'est pas ma passion non plus. Ouais. Mais je peux comprendre. Je pourrais y retourner. Ok. Mais c'est surtout aussi le fait que, ce qui m'avait un peu choqué à l'époque, c'est que je voyais ma mère au loin qui n'avait pas l'air de se préoccuper de mon état. Et ah oui. J'ai aussi un flash de ça. On en revient à l'anecdote de ma tante qui rit quand on me jette de la merde. Ah oui. Je vois tout à fait le. Tout oui. Et c'est là où je me suis dit qu'on peut pas tout le temps compter sur ses parents. Ouais. C'est... Et c'est peut-être la grande leçon à apprendre de cette anecdote de singe agresseur. C'est ce que voulait te transmettre oui, ce singe. Il avait parfaitement lu ta mère. Il a fait. Je vais lui montrer. En fait, tu parles pas le singe, mais il disait « Mais jamais ta mère t'aidera! Tu dois te débrouiller !» Mais il voulait peut-être aussi du pop-corn et des bananes. Et... En fait, il t'a secoué pour voir s'il y avait du pop-corn qui allait tomber, donc c'est encore plus cartoon. Oui, je pense. C'est encore plus cartoon, malheureusement. Bon, bah Nora, écoute, merci beaucoup pour cette belle histoire. Merci beaucoup. Tu es toujours en Alsace, non? Ou t'as bougé? Bah là, oui. Enfin, en gros, je suis en stage actuellement, mais je vais retourner en Alsace. D'accord, très bien. Eh bah écoute, prends soin de toi. Ouais, attention au mot patrie avec l'Alsace. Attention. Mais en tout cas, à très bientôt. Salut Nora. Ciao. Salut. Bye. Donc là, c'est effectivement une agression sur le sol français, Adrien. Mais tel que tu me vois, Tu me vois pianoter sur mon petit téléphone. Je te vois comme oui. Clair comme de l'eau de roche. Sachant que Nathaniel... Oui, allô. Bonjour oh. Nathaniel, comment ça va? Natost. Bonjour, ça va très bien. C'est Natost ton prénom maintenant, Adrien, on a décidé ainsi. Natost, tu m'as envoyé un mail dont l'objet, je pourrais pas être plus clair, s'intitule « Agression par un singe » et tu as mis un point dans l'objet du mail, ce qui met une ambiance tout de suite. C'est très dramatique. C'est dramatique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sur le point ou sur... Non, sur l'agression. On va pas faire toute la ponctuation du mail, on va aller sur le singe directement. Ça marche. Et ben du coup, c'était en Thaïlande l'histoire. Okay. J'étais parti en vacances avec ma copine. Et on va sur l'île de Lanta. Ok. Et on loue un scooter. Jusque-là, tout va bien, touriste classique, normal. On fait le tour de l'île. Et à un moment, on s'arrête dans un parc naturel. Et en fait, on est obligé de s'arrêter parce que le parc est payant. Du coup, je m'arrête sur le côté. Je vais voir à la cahute du gardien. Là, parce que je ne comprenais pas au début qu'il fallait payer, en fait. Donc, je discute avec le mec. Il me dit, bah là, c'est payant pour les touristes, mais pas pour les locaux, je ne sais pas quoi. Et du coup, je retourne au scooter. Et là, sur le scooter, un singe. Qui commence à vouloir soulever le coffre du scooter. Vraiment habitué, quoi. Vraiment dressé. Du coup, il commence à soulever le truc du scooter qui était heureusement fermé par mes soins. On parle là au niveau de la selle? Ouais, au niveau okay. de la selle. Okay. En fait, sur la selle, elle peut s'ouvrir et tu peux mettre deux, trois trucs. Et généralement, les touristes, ils mettent un peu de bouffe ou des trucs et du coup, bah, ils sont habitués à soulever ça, quoi. D'accord. Et du coup, moi, j'avais prévu le coup, mais sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est d'avoir laissé mon portefeuille dans la petite encoche qu'il y a sous le guidon du scooter. Putain. Et du coup, il y avait vraiment le portefeuille en évidence. Mais jamais de ma vie, je me suis dit, je vais me faire voler par un singe, quoi. Et depuis, ce singe t'a volé ton identité et rentré en France. C'est lui peut-être qui nous a fait, c'est ça qui est fou. D'ailleurs. Je suis un vrai singe. Et du coup, il se met sur le guidon, face à nous, face à la selle et tout. Et donc là, il y a d'autres touristes, on trouve ça mignon parce que pour l'instant, je capte pas qu'il va me voler mon portefeuille. Pour l'instant, dans ma tête, c'est inimaginable. Oui, bah oui, oui. Et du coup, il y a plein de touristes qui commencent à venir à côté et tout, à prendre des photos, à trouver ça trop mignon. Et d'un coup, ils regardent le portefeuille, ils l'attrapent, et vraiment, ils commencent à vouloir l'ouvrir. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, il y a la forêt juste à côté. Ah oui, s'il se barre avec, c'est mort. S'il se bat, je peux plus. Enfin, j'ai ouais, mon permis. T'as le passeport. Le permis international. Ouais, voilà, c'est ça. Le passeport. Ah putain. Il y a tout. Ah oui, d'accord. Il commence à prendre ton permis de conduire et à se foutre de ta gueule de la photo. À se barrer en scooter, prendre des clés. Ah ouais, non, mais le stress, il doit être fou là. Ah ouais, du coup, réflexe, j'attrape le portefeuille, je lui arrache des mains quoi. Mais vraiment, Waouh, pas mal. Je le tire, je me dis franchement, c'est ma seule solution quoi. C'est soit ça, soit une patate. Mais ouais, ouais, bien sûr. Du coup, j'attrape le portefeuille. J'attrape le portefeuille et là, ça lui plaît vraiment pas. Ça lui plaît pas et commence à sortir les crocs. Oh là là. Et ça, vraiment, ça a des sales crocs. Et du coup, dans ma tête, je me dis putain, il va me sauter dessus. Non, pas du tout. Il se met sur le guidon. Il montre ses grosses couilles, mais vraiment, il se pose en mal alpha, les couilles sur le guidon. Et vraiment, il commence à sortir les crocs et tout. Du coup, avec ma copine, on fait trois pas en arrière. Ouais. Lui, il commence à feuler un peu comme un chat. Mais là, t'as vraiment récupéré ton portefeuille ou pas? Oui, il l'a toujours. Ouais, là, tu l'as récupéré. Là, j'ai mon portefeuille en main. Là. Okay. Ouais. J'ai mon portefeuille en main et je décide de fuir. Oui, pour des raisons évidentes. Bien sûr. Voilà, pour des raisons évidentes, j'ai pas envie de lui montrer aussi mes... Tes couilles, bien sûr. Bah, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'autre solution. Ouais, hein. ouais. Voilà, c'est ça. C'était soit je lui montrais mes couilles, soit je me cassais. Et au final, on s'est cassé. Non, je pense que t'as bien joué. Je pense que t'as très bien fait. Je pense aussi. Bravo, putain, belle histoire. T'as bien joué. Donc en fait, il t'a pas tant agressé. Enfin, si, il y a un peu, mais... Il a essayé de te voler ton portefeuille. T'as bien déjoué ses plans, quoi. C'est ça. Bah, Après, montrer ses couilles, je trouve que c'est une agression. C'est moi, vrai, personnellement, c'est vrai. Bien vrai. Ouais, tu viens de nous cancel tous deux. Bravo, bien joué à toi, Natos. Non, mais. Bien joué. Non, mais c'est vrai que tu nous as rendu en erreur parce que le titre, on s'imaginait une agression physique. Et en fait, c'est une agression sur le plan moral. Un peu. Et ceci dit, c'est marrant que t'en parles parce que, enfin, je crois que c'est le scénario du dernier Planète des Singes. Ça commence, comme ça. Ça, il en sort en ce moment. Par un portefeuille et des couilles de singe. Soit ça ou le prochain du pieu. C'est ça. Bon, eh bien, merci beaucoup, Natos. Merci à vous. Bah écoute, François, merci de nous avoir appelé. Salut, ciao. Salut, salut. Merci, au revoir. Au revoir. Et Adrien, j'ai une dernière histoire de singe à te partager. Ah. Puisque nous avons un auditeur. Un auditeur qui a également été. Oui, allô, allô, salut, oui, comment ça va? C'est Jacques? Oui. C'est Jacques ou pas? Allô, non, c'est quelqu'un d'autre? Allô, c'est qui? Non, c'est quelqu'un d'autre. Bernard. Bernard, bonjour. D'accord. Bernard. Bernard, bonjour. On t'appelle parce que apparemment tu as une anecdote avec une agression d'un singe. Ah oui, c'est le floodcast là. Oui, c'est ça, floodcast. Oui, pardon. Oui, oui, pardon, Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Oui. C'était il n'y a pas très très longtemps. C'était. J'étais il y a quelques jours, je reviens de vacances, j'étais en Thaïlande. Ouais. Ok. Et j'étais dans le nord de la Thaïlande, vers Chiang Mai. Je sais pas si vous connaissez un peu la Thaïlande. Pas très bien, pas très bien. Et j'étais dans un petit hôtel pas très cher. Enfin bref, c'est pas. Et j'étais posé en terrasse tranquille. J'étais en train de lire un livre, Itinéraire d'un contre, un livre très sympa. Je fais la promo parce que c'est vraiment un livre qui m'a marqué. D'accord. C'est dingue, c'est la deuxième fois qu'on nous cite. Ouais, ok. Ah bon? Non, il y a quelqu'un. Non, ouais. Non, mais comme non, mais ça marche. Il a l'air de plaire à des gens, en tout cas. Ah ouais, c'est vraiment un livre, je le conseille. Il est disponible partout. Bon, ouais. Bon, Baptiste. C'est toi, Baptiste. Hein, c'est toi. C'est toi. Pardon? C'est Bernard. C'est Bernard. Bernard. Matt? Quoi? Oh, putain, merde, mais. Bernard, est-ce que vous avez participé à Canal Bis à une époque? Allô? Je suis encore en Thaïlande là, donc je capte pas très très bien, et puis ça risque de vous coûter très très cher. Bah alors, peut-être pas laisser durer plus longtemps alors. Je suis désolé. Très bien. En plus, je dois reprendre ma lecture de mon livre, qui est un raconte disponible partout, qui est vraiment très intéressant. D'accord. Je vous laisse parce que là, avec le décalage horaire, il est très tard, je suis fatigué. D'accord, au revoir Bernard. Au revoir Bernard, merci beaucoup. Très bien Bernard, merci beaucoup. Alors, il y a d'autres running gags un peu dans le floodcast. Un qui revient souvent, c'est Fort Boyard. C'est vrai qu'on c'est est vrai, fou de Fort Boyard, on est fou du père Fouras. Et Tim m'a envoyé un mail pour me dire que son père a été pendant 20 ans un des médecins de Fort Boyard. Ouh. Et il tenait à dire que pour le tournage des émissions françaises et étrangères, parce que c'est vrai que Fort Boyard c'est international, il a vu passer du monde depuis le début des années 2000, Yamakasi, sportif, acteur, Miss France, en nous ramenant toujours un petit autographe ou parfois des photos. Tim nous raconte qu'il a pu visiter les salles, les épreuves, la vigie du père Fouras. Son père dessine beaucoup à Tim. Il le raconte. Mon père dessine, et dans un des plans de début d'épisode, l'acteur jouant le père Fouras, Yann Le Gac, on en a déjà parlé, c'est aussi lui qui a eu des idées d'épreuves de Koh-Lanta, ouais, voulait faire une blague à Jean-Pierre Castaldi, qui à l'époque était le présentateur du jeu. Ouais. Il devait lui montrer un dessin à Jean-Pierre Castaldi dans la séquence, et il a demandé à mon père de représenter le père Fouras avec une énorme tub. Ce qu'il a fait. Et a priori, la séquence de surprise de Castaldi au dessin a été gardée au montage. C'est-à-dire que le père Fouras devait montrer un dessin, et le dessin que le père Fouras a montré à Castaldi, c'est lui-même avec une bite énorme. Je rêve de deux choses. Retrouver cette séquence et obtenir ce dessin. C'est tout ce qui m'importe. Recevoir le père Fouras, peut-être, tout simplement, pour qu'il nous raconte. Voilà. Mais est-ce que tu savais qu'à la base, je prends tout. À la base, Fort Boyard, ça devait être un jeu sur le thème de Donjons et Dragons. Ah non, je savais pas. Ouais, ça a été développé comme ça à la base. Ça devait être un jeu basé sur l'univers de Donjons et Dragons. Et je sais plus pour quelle raison exactement ils ont abandonné. Des droits, j'imagine, des histoires. Peut-être, de genre, ouais. Et puis ils ont dit un phare, Fort Boyard. Ils ont inventé. Ça s'est joué comme ça, ouais, bien ils sûr. Ont inventé leur propre univers qui vraiment n'a plus rien à voir. Ouais. Mais on retrouve le côté un petit peu moyenâgeux, bien tout sûr. Ça. Dans, voilà. Mais à la base, ça devait être un jeu Donjons et Dragons. Incroyable. Ouais. Un des trucs qu'on fait souvent aussi dans le podcast, c'est hurler. Oui, voilà. J'en conviens. Il t'arrive parfois d'imiter. Comme le... Thomas Dezer dans les vidéos d'Amixem, et Amixem aussi, il hurle aussi. Mais voilà. Ils adorent hurler. Mais hurler est un élément comique très efficace. Ouais, voilà, ouais. On l'aime mais beaucoup. Alors, il faut que ça serve la blague, sinon c'est énervant. Bien sûr, bien sûr. Et quelqu'un nous raconte un soir dans son appart, c'est Pauline qui nous raconte ça. Un soir dans mon appart, mes voisins au-dessous font encore un bordel monstre. Je n'exagère pas pour vous donner une idée du type d'énergumène qu'ils sont. Ça hurle à 2h du matin, ça fait sauter et courir les enfants aussi à 2h du matin. Alors. L'horaire. Oh là, ça, petit Adrien. Moi, je suis fatigué. D'accord, attention. Fatigué. Bref, ce soir-là, c'est un mec qui hurle à 2h du mat. Il a l'air de parler seul, un appel téléphonique peut-être. J'en ai ras-le-bol. Je tente de frapper mon flambant avec mes poings en me servant de mon matelas comme trampoline. C'est ridicule. Puis une idée, une incroyable idée. Je me saisis de mon enceinte Bluetooth. Le podcast a un moyen pour me débarrasser des nuisibles. J'utilise le lynx. Le cri du lynx. Je tends mon bras, enceinte collée au plafond, et trouve sur YouTube une vidéo avec le cri du lynx par Adrien Méniel. Quoi ? Je pars en fou rire, mais surtout, l'homme se tait. Ça a marché. Donc si ça ne marche pas sur les pigeons, je vous confirme que ça marche sur les bâtards de voisins irrespectueux. Un grand merci Adrien. Bah alors, sachez que j'ai donné cette astuce à plusieurs de mes amis et membres de ma famille qui ont pu ainsi découvrir le cri du lynx. Ouais. Incroyable. Ah bah c'est fou. Il y a 2 semaines, mes voisins étaient un couple, se sont séparés, depuis le silence est revenu. Je suis très heureuse. Bah bien sûr, mais bien sûr. Voilà, donc le lynx a calmé. Dernier petit truc sur les running gags. On a fait, il y a quelques épisodes maintenant, le jeu de chanter des recettes de cuisine sur du Daniel Balavoine. Voilà. Tu as fait. On a joué tous ensemble, c'est moi d'ailleurs, qui l'ai écrit. Mais... Moi, parce que tu as participé au podcast Les gens qui doutent. Oui. Et attends, c'était quoi la phrase Ruet. Qui a été de Fanny Ruet, ouais. Et la phrase qui était choisie en extra, c'est j'espère que ce que je fais touchera les gens ou je sais plus quoi. Et vraiment tout de suite j'ai visualisé toi en train de chanter Balavoine. En train de chanter la moussaka sur Balavoine. Ouais. Eh bien sache que ça inspire certains auditeurs ce jeu. Le basilic est essentiel. Il faudra des petites graines de pignon, de papou, préparer la sauce. Le pesto, bien sûr. Il faut savoir comment envoyer la vidéo et que le host est à fond, mais qu'à côté de lui, il y a un pote à lui qui a pas l'air du tout dans le délire. Il y a des applaudissements hors champ quand même. J'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre le jeu des recettes. Ah, quand les gens reprennent les jeux du Floodcast, ça me ravit. Adrien, le Floodcast, c'est aussi quand même une excuse, souvent, pour partager des anecdotes souvent gênantes. Et autant te dire que là, dans les mails que j'ai reçus, j'en ai reçu honnêtement une bonne centaine. Ok. Honnêtement, une bonne centaine d'anecdotes très gênantes. Il a fallu faire des choix. Je les ai faits. Et nous allons tout de suite appeler un premier auditeur qui est une auditrice qui s'intitule Kenza. Kenza qui était venue nous voir d'ailleurs, qui m'a. Allô Kenza, bonjour. Salut Florent. Bonjour. Salut, tu es avec. Salut. T'es dans le podcast avec Adrien. Comment ça va? Pardon, je suis devenu un animateur incroyable. Radio. Ça roule. Ça va et vous? Ça va très bien. Tu m'as dit par mail que tu avais une anecdote un peu gênante. Alors moi j'ai quelques grandes lignes, mais je t'invite à nous la raconter puisqu'Adrien ne la connaît pas et est tout oui. Ouais, bien sûr. Alors du coup bon, c'est une anecdote qui date. C'est pas tellement la honte. Mais bon, c'est une bonne vieille histoire de merde, quoi. Ah. Ça fait toujours plaisir. Bien donc, sûr. C'est rare. C'est bien parce qu'une histoire de merde, c'est quand même souvent la honte. Donc j'ai hâte de voir à quel point c'est oui. pas tellement la honte. Voilà. Ton seuil ouais, de tolérance à la merde. Du coup, et à la honte. Ouais, du coup, on est en 2015. C'est vraiment les débuts de ma relation avec mon mec. Okay. Les premières relations sérieuses, on se découvre, c'est les premiers mois, premiers jours. Et à ce moment-là, j'habite encore chez ma mère. Ok. Et lui a une maison pas très loin de chez moi. J'habite dans un village, il habite pas très loin de chez moi, bref. Et il m'arrive parfois de passer quelques jours chez lui. Et j'ai l'avantage, comme il travaille la journée, de jouir de la maison pour moi seule pendant la journée. Et du coup, bah, ça me permet surtout de chier tranquillement sans stress et sans bien pression. Sûr. Bien sûr. Sans stress et sans pression, qui est ton EP d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc, voilà, je vais aux toilettes tranquillement. Et au moment de tirer la chasse, comme dans les films, comme sur Reddit, quand on lit des trucs, on pense que c'est impossible, la chasse ne fonctionne plus. Ouais. Donc, je commence à paniquer. Je vois quand même que j'ai fait en plus un truc, le genre de truc qu'on a envie de prendre en photo et d'envoyer à ses potes. Bien sûr, évidemment. Donc, je commence à paniquer. Je regarde un peu autour de moi. Je trouve rien dans la salle de bain. Il faut que je trouve un récipient, un truc pour attraper la crotte, finalement. Okay. Je vais dans la cuisine et je tombe sur le seul truc que j'ai pu prendre, c'est-à-dire un paquet de trésors, les céréales, vides. Très bien. Et une cuillère à soupe, évidemment. Ah, quand même. Pas pensé à plein. Bien sûr, quand même. Ouais. Et je me retrouve en fait à genoux, dans le stress, en train de pêcher ma merde. Très bien. Pour la mettre dans le paquet de céréales. Okay. Et t'as une petite surprise double, un petit trésor en final, ouais. Un petit trésor, bien sûr. Et c'est pas tellement honteux parce que personne n'a jamais su. Ouais. Okay. J'ai raconté à mes potes, j'ai jeté la poubelle, tout est sorti, mon mec est rentré, n'a jamais rien su. Okay. Et ça fait 10 ans bientôt qu'on est ensemble et il va sûrement découvrir cette anecdote. Incroyable. Un peu après vous, du coup. Sublime. Mais en même temps que tout le monde sur le podcast. Parfait. Bah, surtout, il va découvrir qu'une de ses cuillères a été en contact avec de la merde humaine, du coup. Ouais. Ouais. Non, j'ai jeté la cuillère. Ah, t'as jeté la cuillère aussi. Ah, tu l'as jeté, moi je l'aurais nettoyé. Ah ouais. Chacun son seuil de tolérance, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. On y revient. Très bien, Kenza. C'est vrai que ça va. Et ben, c'est une très belle histoire, Kenza. Merci de nous l'avoir partagée. Ben, merci à vous. Merci. Plaisir. Salut, salut Kenza. Salut. Ciao. Salut, bye. Bonne journée. Salut. Au revoir. Et oui. C'est fou, putain. Très belle histoire. J'ai cru que ça allait encore être quelqu'un qui racontait la fameuse légende urbaine de je l'ai mise dans un sac et je l'ai laissé. Il et est tombé sac. Dessus. Machin. Non. Et je me disais, oh non, une non, menteuse. J'y crois, non. Non, là, moi, le petit paquet trésor, je le vois. J'avoue que quand j'ai commencé l'anecdote, je me suis dit, ah merde, c'est sûrement faux. Et je me suis dit, ok, j'ai regardé moi ce que j'aurais fait. Et effectivement, quand j'ai regardé autour de moi, le paquet de trésors, c'est une très bonne idée. T'enlèves le sachet de céréales, tu prends le carton. C'est bien vu, c'est bien vu. J'y vois peut-être une prix Nobel. Voilà, une prix Nobel. Bravo. On va appeler Théo, qui a également une anecdote. Alors lui, pour le coup, ça a vraiment plus un lien avec le Floodcast. Après la merde, on était un lien évident. On était dans le champ lexical du Floodcast, mais là c'est un rapport vraiment direct. Allô. Oui Théo. Allô. Comment vas-tu? Salut, comment ça va? Ça va très bien. Je t'appelle car tu nous as envoyé un mail pour nous raconter absolument une histoire. Alors il y a une histoire un peu tristoun d'accident de voiture. Aïe. Je propose qu'on n'aille pas sur celle-ci tout de suite parce qu'en plus j'ai l'impression qu'elle est assez rapide. Après, non, c'est pas fini. Ça a pas terminé en accident, mais. Non, je sais. Tu as failli percuter un Renault Captur. Voilà. Okay. C'est ce que j'ai vu. Tu es passé près de la mort, et on est heureux que ce ne soit pas le cas. En revanche, tu as eu une anecdote à ton travail, et j'aimerais que tu nous la partages. C'est vrai qu'elle est assez savoureuse celle-ci. Alors en fait, le cuistot. Non, c'est vrai que celle-ci, elle est. Ça va, ratatouille. Je me permets de donner l'avant-goût. Je me mets dans les cheveux d'un petit chef là. Alors du coup, je bossais en mairie récemment et en fait, j'avais l'habitude de travailler avec des écouteurs. Du coup, je me mettais souvent de la musique et entre autres le Floodcast. Mmh, et en fait, il s'avère que j'ai recommandé des écouteurs à une de mes collègues et je savais pas qu'elle avait pris les mêmes. Du coup, j'ai commencé à me mettre sur mon bureau, sur mon bureau. J'ai commencé à bosser. Je me connecte à mes écouteurs, donc c'était des JBL, je crois. Enfin, c'était des JBL d'ailleurs et j'entends pas la musique quand je lance le podcast. Je vois. Bien sûr. Je le lance en courant. Et là, 15 secondes après, 20 secondes, il y a ma collègue qui arrive dans le bureau et qui me dit je crois que tu t'es connecté sur mes écouteurs. Donc, évidemment, je me déconnecte. Elle repart de mon bureau. Je remets mes écouteurs et ça se relance. Enfin, je remets 15 secondes avant et ça se relance évidemment sur un moment pas très très classe, mais absolument divin de Adrien qui dit pendant un épisode avec Yvick et Freddy Gladieux. Elle a pété dans ma bouche et j'ai mis une allonge pour qu'elle pète aussi dans mes yeux. C'était absolument divin. Ouais. Et je sais. On en a pas reparlé parce que j'espère qu'elle a entendu. Enfin, en fait, c'est pour le lore, c'est magnifique. Oh là là, oui, parce que c'est pas l'histoire la plus connue du Floodcast, celle-ci. Et ah vraiment, non, ça non, fait mais ça fait plaisir qu'elle ait été écoutée. Que la meuf arrive en poker face. Je crois que tu t'es. C'était absolument dingue. J'ai adoré si c'est possible. Moi, j'aurais été capable de dire. Alors, ça, c'est pas moi. Hein. Pas du tout. Ça doit être un bug. Ça, c'est un bug avec les gens du dessus là. C'est l'étage du dessus. C'est pas mes écouteurs. Désolé. C'est l'étage du dessus qui regardait. C'est des Bose que j'ai. Obligé d'acheter des Bose après à 200 balles. Tu vois, c'est ça les miens. Vraiment la proba. Mais ça arrive tout le temps. C'est des choses qu'on adore. Quoi. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Théo, qui a quand même qui a aussi le talent de savoir. Bien titré ces objets de mail puisque c'était écrit histoire sympa entre parenthèses accident paix dans la bouche. Donc j'ai cliqué, j'ai évidemment cliqué immédiatement sans hésiter. Voilà, merci beaucoup Théo, salut. Avec plaisir, salut. Ciao. Merci beaucoup, salut. Adrien, on arrive dans un nouveau chapitre de cet épisode. Un nouvel arc. Un arc, moi, c'est l'arc est en nouvel arc. Nouveau, hein. Puisqu'il s'agit de l'arc j'ai pécho grâce au Floodcast. Voilà, et oui, ça. Parce que pas mal de gens m'ont dit qu'ils avaient pécho grâce au Floodcast. J'ai par exemple Camille qui me raconte cette histoire. Il y a 3 mois, je rencontre Lucas sur une application de rencontre. Très vite, on découvre plein de points communs, dont le principal, notre passion pour le chauve et l'hirsute. Après quelques semaines à échanger sur Insta, on se rencontre autour d'un verre. Avant le date, je lui propose de préparer quelques anecdotes pour qu'on puisse jouer au jeu du Floodcast. Waouh. Un délire. Je sais pas comment mais, je me positionne attends, vis-à-vis bah, de ça. Moi, un date, quelqu'un me dit je prépare un jeu, c'est très très bien pour moi. Toi, tu te dis alors je vais acheter une bague du coup. Mais non, mais, non, mais en vrai, parce que le date, tu sais pas toujours bien quoi sûr, dire bien et tout. Sûr. Un jeu, bah, enfin, je suis même étonné. De... Non, mais c'est une super idée, moi, je trouve. Bah, parce qu'il y a un côté, t'es obligé de parler parce que tu sais que tu vas parler parce qu'il va y avoir un jeu, un divertissement et ça peut briser la glace et tout. Et c'est ce que dit la personne. Est-ce que dit la personne, puisque comme l'épisode. Ils ont pu parler d'eux. Mais oui. Ça les a fait rebondir sur des anecdotes personnelles, de dégâts des eaux, de choses comme ça. On a passé un super moment. Depuis, on a débrief ensemble des épisodes. On a conclu et on se voit régulièrement. Et je crois que ça se passe plutôt bien. Alors, merci les entremetteurs, comme ils nous appellent. Ouais, ce qui est notre petit programme qui arrive sur TF1 à la rentrée. Les entremetteurs. Sur M6, ouais. Victorien nous a raconté, pareil, une anecdote d'application de rencontre. Notre rencontre s'est faite via l'application de rencontre Bumble. Le principe de l'app, c'est qu'après ce match, les filles ont 24 heures pour envoyer le premier message, faute de quoi le match se supprime, afin de renverser un peu la tendance du « c'est au mec de faire le premier pas ». C'est vrai. Il me l'a trop expliqué, pour moi c'est le CM de Bumble qui m'a envoyé ce certainement, message. Certainement, certainement. Mais voilà. Bref, il tombe sur une jolie meuf, enfin une meuf qu'il trouve jolie, voilà, et le premier truc qu'elle a écrit, c'est « est fan du Floodcast ». À ce moment, je décide d'utiliser mon joker, mon atout précieusement gardé, qui permet de lui envoyer un message, qui est limité en caractères, sans qu'il y ait de match avant, un atout déploroutable, mais il faut bien choisir ses mots, car tout se joue dans ces quelques caractères. Ces mots furent. Emoji sax. Ouais, non, pas mal. Non, il a dit, ouais, le Floodcast, le rendez-vous du lundi à ne pas manquer. Alors, c'est pas ouf. Mais lui-même le note. Oui, il oui. dit, je suis pas très doué en phrase d'accroche, je l'admets. C'est une cata. C'est-à-dire que c'est du chat GPT. Et oui, et oui, le rendez-vous du lundi. On dirait vraiment que c'est t'as tapé Floodcast sur Google. Et après, si après ça, ça a marché, c'est que c'est et ben, tout est preuve. Ça, depuis bientôt un an, on n'a pas passé une journée sans se parler. Oh là là. Alors après, attends, sans se parler, d'accord. De quoi? Oui, enfin se parler, c'est bien, mais ah bah non, apparemment ils sont dans un délire de, on s'organise des dates, chacun notre tour, on organise un date à thème, ambiance, activité, repas, du style escape game, espion, Lego, oui, viking. Repas, Lego, d'accord. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ouais, bah, c'est pas écrit. Ils ont baisé. Bah, c'est pas écrit. On dit j'ai pécho grâce au Floodcast, ils ont joué au Lego là. C'est ouais, très bon. C'est l'équivalent de... Non, c'est... non, je sais pas. C'est différent. Non, non, mais... J'en ai une autre, Arthur. Je m'appelle Arthur et voici un bref résumé de mon histoire. C'est Arthur. J'étais dans le métro et comme à l'accoutumée, j'avais un de vos meilleurs épisodes dans les oreilles. Puis surgit une fille plutôt sympa qui m'accoste en me montrant son fond d'écran. Elle était en train d'écouter le même épisode que moi. Attends, pardon. Il est dans le métro, il écoute le Floodcast. Je pense que la meuf voit son téléphone, ce qu'il y a sur son téléphone. Ok, c'est parce que c'est ça qui m'a paru bizarre. Que la meuf arrive, elle fait hey, regarde ce que j'écoute. Et elle montre ce qu'elle écoute aussi. Oui, mais d'où? C'est-à-dire que. Donc il faudrait qu'elle ait vu. Les... Qu'elle ait espionné un petit peu. Ouais, ah, ça y est, ça y croit pas. Il croit pas, ça si, c'est si, mauvais. Si, non, non, mais oui, elle est peut-être ok. Voilà, ça m'a surpris et j'ai rétorqué que pour moi, ce moment, c'était comme dans Black Mirror. Ok. Voilà, ce qui l'a fait rire, elle m'a donné son numéro. Voilà, alors ça dit pas plus. D'accord. Mais l'objet, j'ai rencontré mon ex grâce au Floodcast. Donc j'imagine mon qu'ils ex. Ont pécho ah oui, bah à donc, un moment. Oui, ouais, bah oui. Bah. Non, mais après, une belle relation, une très belle amitié où on fait des dates avec des jeux, c'est. Oui, pourquoi c'est pas. C'est génial. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors. Alors. C'est tellement dur de se faire des amis, surtout après 40 ans. Il n'y a pas plus de. Non, mais non, je parle d'autre chose là. Pourquoi tu choisis cet âge? Je parle d'autre chose. Ok, d'accord. Je parle d'autre chose. Okay, un autre sujet. Ok, d'accord. Assez lié, assez proche, mais okay. Qui concerne peut-être d'autres personnes. D'autres gens? Oui, oui, j'élargis. Ok, d'accord. Parce que la personne là n'a pas dit son âge. Non, bien sûr. Mais je. Voilà. Ok. On peut ouvrir un peu. On ouvre. J'ai un autre mail qui s'appelle une histoire de re-amour. Mon copain et moi avons toujours été de grands fans du Floodcast. On sortait plein de refs, on écoutait des trajets en voiture. Malheureusement, après 4 ans de relation, nous nous sommes séparés en septembre 2023. Nous avons tenté de faire nos vies chacun de notre côté, et puis au fur et à mesure des mois, je ressentais beaucoup de tristesse, il me manquait. Alors j'ai tenté mon coup et j'ai repris contact fin février avec l'excuse suivante: veux-tu aller voir l'avant-première de Nous les Leroy avec moi? Oh là là. Il a accepté. Alors, oui, mais pour ceux qui ont vu Nous les Leroy. Oui. Le 10 mars, on s'est donc revu à cette occasion après des mois sans s'être revu. On a reparlé et au final, nous voilà de nouveau en couple. Oh là là, et plus amoureux que jamais. Ça, c'est magnifique. C'est vrai, c'est rigolo car c'est assez contradictoire avec le film. Il y avait certaines scènes pas faciles à regarder quand ton ex est assis juste à côté de toi. Mais on a justement bien ri de cette situation et c'était génial. Alors merci à Floodcast et merci à Nous les Leroy. Oh, mais là, c'est joli ça. Et ça, tu vois, ça, là, tu veux pas débunker. Parce que t'es un amoureux de l'amour. Là, t'as envie mais d'y non, croire. Mais, là, mais parce que. Eh oui. Parce que, voilà. Oui, elle est vois. Belle dans sa simplicité, cette histoire. Y a pas de. Ah oh, bah tiens, elle a vu mon téléphone et puis. Oui, oui, bien sûr. Oh là là. Non, en revanche, un truc qui est marrant, qui m'est arrivé. Bon, souvent, je vais peut-être. Ça m'est arrivé 5 fois, mais c'est assez drôle. C'est que je croise des gens qui me disent « Ah, je suis en train d'écouter le podcast !» Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé même deux fois, deux jours d'affilée au même endroit dans le supermarché à côté de chez moi. C'était la même personne, t'as oublié très vite. C'était la même personne, c'était moi dans un miroir, je suis très, très seul. J'ai une dernière histoire, en tout cas par mail, c'est l'histoire d'Isabelle. Je vous ai découvert en 2020 pendant le confinement, période un petit peu difficile pour moi, je suis chercheuse. J'étais à ce moment-là à l'étranger, le podcast m'a vraiment égayé mes longues journées au laboratoire. En 2022, toujours à l'étranger, je me rends une partie de Donjons et Dragons, avec autour de la table que des parfaits inconnus. En face de moi, le joueur sort son PC et il y a un gros sticker du Floodcast collé dessus. En post-confinement, c'était la première personne avec qui je pouvais parler du Floodcast et des moments qui me faisaient rire. Ça m'a permis de briser la glace avec ce joueur et ça nous a fait un point commun. Notre première date, on a décidé de venir vous voir pour la tournée du Floodcast. Et 5 mois plus tard, on est venu passer le week-end à Lille pour cette occasion. Récemment, on est venu voir nous les Leroy lors d'une des avant-premières. Bref, on vient de fêter nos 2 ans. Oh là là ! Et nous allons bientôt nous paxer. Oh ah, oui ! Celui, oh là là, il devient fou. Donc voilà. Je vais chialer, putain. Une belle histoire. C'est magnifique, ça. Une belle histoire. Putain, il y a Donjons et Dragons en plus. C'est-à-dire qu'il y a Donjons et Dragons, il y a Floodcast et il y a nous les Leroy dans l'histoire. C'est pas mal quand même. Putain de merde, c'est faux. Non, je plaisante. Alors Adrien, depuis tout à l'heure, on a des auditeurs qui nous disent qu'ils ont pécho grâce au Floodcast. Mm-hmm. On a peut-être aussi des auditeurs qui ont essayé de pécho grâce au Floodcast. Allô ? On est avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour, salut Florent, salut Adrien. Comment vas-tu ? Quelle joie de vivre dans la voix. Une joie de vivre qui fait plaisir. Ouais, ouais. Ça se voit que ça va très bien. Et ça fait du bien aux autres. On part avec ma voix. Le jour et la nuit. Morgane, nous sommes en train de parler des gens qui ont fait des dates grâce au Floodcast. Et ton histoire est un peu plus particulière que les autres, puisque depuis tout à l'heure on raconte des histoires qui se finissent bien. Et toi moins. Ah oui, là, la joie de vivre a baissé de quelques crans là. La joie de vivre vient de prendre une moto et de partir à vive allure. Et c'était exactement, que Luche qui conduisait. Je suis un peu plus triste là. Alors est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu as fait cette date déjà? Oui, alors pour vous expliquer un petit peu, moi l'histoire c'est que j'ai fait un premier date, donc première rencontre avec quelqu'un pendant votre première Olympia en fait, pendant la dernière tournée en 2022. Le seul, et on n'en a pas fait. On a fait qu'un Olympia, c'est gentil de penser qu'on en fait plein. Ouais, ouais. et du coup ce qui s'est passé c'est qu'à la base je devais y aller avec ma meilleure amie qui m'a planté 3 jours avant l'événement car elle rentrait d'un séminaire à Chamonix. Sympa. Et du coup l'idée c'était que j'avais pas forcément envie de faire un Floodcast avec quelqu'un qui connaissait pas le Floodcast. Il y a quand même pas mal de private jokes et du coup ce que je me suis dit c'est que j'ai pas trop de potes sinon autour de moi à part ma meilleure pote qui écoute le Floodcast hélas et du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais proposer à quelqu'un avec qui je discute sur un site de rencontre qui avait l'air plutôt good vibes, donc je discute avec lui et je me retrouve à me rendre compte qu'il me dit oh, bah, écoute je connais le Floodcast, donc je me dis bon ça peut être un premier date sympa donc je lui propose de m'accompagner. Ah, oh, il a menti. Quelle audace déjà. Quelle audace. Ouais, on est parti sur un mensonge, hélas. parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, la personne ne le connaissait pas. Okay. Oh le bâtard. Déjà, on peut dire aux gens déjà faire un premier date basé sur un mensonge. Très bon move de sa part. Exactement. Mais je pense que ça n'est pas si rare que ça. Je pense que c'est très fréquent malheureusement. Ouais. Là vraiment, il partait pas vainqueur. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouve là-bas. Je comprends très vite qu'il n'est pas super intéressé par le podcast. Ouais. Oui. Et du coup, on s'installe. On était quasiment, on était dans les premiers rangs à l'Olympia. Ça commence. Et là, je me rends compte qu'en fait, il rigole pas, Owen. Il comprend pas les private jokes. Qui est cette merde. Et là, c'était l'enfer parce que du coup, moi, j'étais un peu, tu sais, un peu crispée. Tu connais pas trop la personne à côté de toi. Oui, tu te lâches moins sur les rires et tout parce que tu sais que le mec à côté, ça le fait pas marrer, quoi. Ben voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, moi, j'étais écroulée de rire. Et t'es arrivé en plus au tout début du Floodcast, le moment où t'as fait, je crois que c'était Flaubert qui avait une vanne où t'as dit, je crois que c'était puits de la fouf au lieu de puits du fou. Oui, ça ressemble à mon stuff. Écroulée de rire. Ok. Et là, il me regarde et il me fait « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Et là, mais là, c'était foutu, quoi. Et là, je me suis dit « Ok, bon, ben, c'est pas grave, on va finir le Floodcast et puis on va rentrer, quoi. » Dur, dur. Ouais, donc voilà, moment un petit peu long, donc fin de soirée pas ouf. Et il a tenté un dernier verre qu'on est allé boire juste à côté de l'Olympia en sortant de l'Olympia. Ok. Il m'a dit « Ouais, alors j'ai pas tout compris. » Je me suis dit « Ben, je me suis rendu compte, ouais. » Je dis, mais tu connaissais un petit peu? Il me fait, bah, j'écoute plutôt Affaires Sensibles, mais c'était déjà tombé dans mes propositions podcast. Ah oui, c'est un autre délire. Pas tout à fait la même chose. Pas, dans Affaires Sensibles, il n'y a pas un mec déguisé en singe qui rappe. Ce qui est la vraie différence. Non, il a rigolé en de la traconte, mais c'était à peu près tout, je crois. Ok, c'était au tout début. Oui, c'est début. Vrai qu'il aime, s'il aime Affaires Sensibles. Oui, il y avait Ondelat. Au début, il a dit ah, cool, il y a Ondelat. Ah, voilà, ah, c'est n'importe quoi. Bon, c'est n'importe quoi. C'était un peu ça. Donc, triste fin d'histoire. Je m'étais dit que peut-être le podcast allait créer un couple, mais en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Bon, bah écoute, Morgane, merci beaucoup pour cette histoire. Merci pour ta joie de vivre. J'espère que tu. Voilà, continue, garde-la, préserve-la. C'est magnifique, je deviens Edouard Baird, je suis bizarre. J'espère qu'il y a eu d'autres dates plus fructueux par la suite. Quoi. Ouais, j'en ai des plus concluants. Ah, c'est cool. Bon, maintenant je suis tranquille. Et donc, n'hésite pas à bien enlever le floodcast de tes dates, hein, du coup, voilà, ça ne sert à rien. Oui, voilà. C'est plus un green flag, maintenant c'est terminé. Voilà, merci beaucoup, non, c'est gentil. Enlever les menteurs, hein, sinon parce qu'en l'occurrence, ils ne connaissaient pas le floodcast. Bon, merci beaucoup en tout cas, Morgane. Merci. Merci, salut beaucoup. Bientôt. Ciao, bye. On vient de conclure le chapitre pécho grâce au Floodcast. Contrairement à Morgane. À Morgane qui n'a pas conclu. Qui a conclu avec personne. Si, pas ce menteur. C'est vrai. Sale menteur, va. Je te propose de passer à un autre chapitre qui s'appelle Mourir grâce au Floodcast. Ah. Puisque nous allons. Alors, peut-être, je peux me permettre de dire à cause du Floodcast, si c'est mourir. Je vois ce que tu veux dire, Alors, je te rassure, non, on n'est pas sur des histoires glauques à souhait. C'est plutôt des gens qui, comment dirais-je, se sont peut-être fait un peu mal à cause du Floodcast. Je t'en partage une petite, comme ça, une récente. Nicolas, qui est un auditeur du Floodcast et qui tenait à partager avec nous, qu'il avait fait un malaise récemment dans le bus parce qu'il a écouté l'histoire de David Castello-Lopez sur son calcul rénal. Ouh. Tout ce truc du double J, voilà, S, ouais. Exactement. Le pipi de sang, la sonde double J qui passe par la tub, il ne m'en fallait pas plus pour me sentir partir. Blackout, je me suis réveillé par terre dans le bus avec des gens autour de moi. Ils me posaient toutes les questions du monde pour savoir si une sonde double J dans l'urètre. Waouh. Là, le pauvre Nicolas, il se dit ah, il parle de moi. Oh non, c'est parti. Ah oh, merde. Il voulait savoir pourquoi j'étais tombé. Est-ce que j'étais épileptique? Est-ce que j'avais pas mangé? Est-ce que je manquais d'eau? Non, j'écoutais un podcast qui parle de sonde dans la tub. Putain. En tout cas, ça m'a offert une pomme pote grâce à ça, donc merci le Floodcast. Ah putain, merde, on se rend pas compte que. Mais oui, il y a des gens. Mais cet épisode, moi j'ai reçu des messages de ouh, ça m'a fait ouf. Ouais, bah, ça... moi-même, j'étais pas fier. Heureusement, j'avais déjà un ami qui. Oui, du coup, t'étais rodé. Non, mais j'allais dire qu'il y a des problèmes de rein, donc peut-être le mot heureusement n'était pas forcément très approprié. Mais il m'avait déjà raconté ces histoires de sons de double J et tout. Et, terrible. Aïe, aïe, aïe. Mais on va appeler quelqu'un. Et dis-toi que c'est quelqu'un. Qu'en vérité, on a déjà un peu parlé de ce quelqu'un dans le Floodcast. C'est Baptiste Lambert. Il y a eu Jacques et Bernard. Oui, pardon. Allô? Allô, Clara? Oui. Oui, bonjour, c'est le Floodcast. Comment vas-tu? Bah, ça va trop bien, et vous? Ça va super. Là. On est pas très... aussi bien que toi, clairement. Pas aussi bien que toi tout de suite. Oui. Mais tu tenais à raconter une anecdote, puisque Adrien a parlé de toi dans un épisode. Oh mince. Et oui, c'est incroyable, un grand honneur. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé en écoutant le Floodcast? Ah, je sais qui tu es. D'accord. Raconte-nous. Eh bien, je sortais de chez moi très pressée, trop pressée, et j'étais comme ça dans la rue en train de marcher, et en traversant un passage piéton, j'ai regardé un peu vaguement parce que j'ai pris la confiance parce que c'était à côté de chez moi. J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai ouvert l'appli de podcast, j'ai lancé le Floodcast et là, j'ai senti que le sol était un peu étrange et que ça montait tout à coup, je n'y attendais pas. Et c'est allé très très vite, j'ai fait deux pas, je me suis élevée dans les airs et là, j'ai basculé vers l'avant. Et comme je suis très intelligente, au lieu de mettre mes mains pour protéger mon visage, j'ai protégé mon téléphone et mon sac. Oh. Je me suis mis en boule et ma tête a frappé le béton directement. Il faut dire aux gens que tu nous as envoyé des images glaçantes. Je voulais prouver que c'était vrai. Ah ouais, mais il y a un cocard. Il y a un cocard. Il y a un cocard. Il y a un gros cocard. Il y a des lunettes qui m'ont sauvé l'œil parce que je serais pas trop en train de rigoler si elles s'étaient explosées en mille morceaux. Ouais, les lunettes ont bien bouffé le. Parce que tu nous as envoyé une photo des lunettes aussi. Il y a le verre qui a bien pris pour. Ah ouais, c'est du Durex. Flelou est peut-être fou, mais en tout cas, il fait des bonnes lunettes. On remercie, ils n'ont pas voulu me les rembourser après, mais j'ai envoyé quand même des... On les remercie pas, du coup. On les remercie pas trop, du coup. Non, pas trop. Ah ouais. Et je suis tombée et en fait, j'ai ri parce que tout de suite, je me suis vue de l'extérieur et je me suis dit que ça devait être hilarant de voir une meuf s'élever dans les airs et tomber la tête de la première. Oui, et ça, voilà, certainement. Mais t'as, oui, enfin, tu dis ça, mais moi, je trouve quand même que, enfin, les photos que tu vois, tu t'es quand même bien fait mal, quand même. En vrai, oui, mais, enfin, miraculeusement, je pense que c'est la magie du Floodcast. J'ai rien eu de grave. Ouais. Et juste des bleus, quoi. Je suis quand même allée chez le médecin pour vérifier que j'avais pas une commotion et tout, mais. Là, sur les photos, c'est des bleus, on est à la limite de l'hématome quand même, c'est énorme ce qu'on voit. Oui, oui, c'est très très gros, ça fait des... Mais voilà, j'avais la tête dure, je pense. Bah ouais. Heureusement. Bah écoute, j'ai envie de te dire de rien. Merci à vous, franchement. Non, mais écoute, incroyable. Non, mais voilà, on t'a en personne. Merci beaucoup de nous raconter cette petite anecdote. Tout va mieux, tu as la peau a retrouvé sa couleur d'origine, tout va bien? Tout va bien. Je pense que j'ai encore un espèce de petit trou au niveau du front, mais rien de, tout de, même. De grave visiblement. T'as vraiment une joie de vivre parce que peu de phrases qui commencent par « j'ai un petit trou au niveau du front » finissent par « donc rien de grave quoi au final ». Bah oui, écoutez, mais ça aurait pu être pire en fait. Ça c'est vrai. Une belle philosophie de vie. C'est un peu aussi le slogan du Floodcast. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, et bah écoute. Ça m'a appris aussi à faire attention dans la rue si je peux transmettre un message. Bien sûr. On est là pour faire de la prévention. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah écoute, c'est plein de philosophie. Merci beaucoup, Clara. Bah merci à vous et merci pour ce que vous faites. Vous embellissez tous mes lundis. Ah, c'est gentil. Pas à tous, visiblement, mais la plupart. Mais voilà. Mais voilà. Merci beaucoup, Clara. Merci salut. Merci beaucoup, salut. Ciao. Merci, salut. Salut. Il y a des gens qui ont aussi eu un accident, enfin qui s'est cassé la gueule à cause du Floodcast, mais plus à cause d'un des deux présentateurs du Floodcast, en l'occurrence toi, Adrien. Putain, je suis de Lyon, mais il m'arrive d'aller sur Paris, nous raconte Raphaël. À l'heure de l'apéro, nous installons en terrasse d'une brasserie parisienne classique, table ronde chez un osier, voilà. C'est alors qu'un ami me fait signe la tête vers moi et me dit, avec étonnement, putain, regarde, c'est Adrien Méniel là-bas. Et c'est vrai, il était là, marchant d'un bon pas, l'air concentré, les écouteurs dans les oreilles. Alors croisant... là, c'est là, je sais que c'est vrai, parce que c'est une parfaite description de moi. Un bon pas, les écouteurs, l'air sérieux. Ne croisant que rarement des personnalités publiques que j'apprécie, n'étant pas souvent à Paris, je prends mon courage à deux mains et j'entreprends d'aller l'aborder cordialement afin de papoter un moment avec lui s'il est d'accord. Il ne l'aurait pas été, mais pourquoi pas? Si, si, non, non, non, mais faut. Parce qu'après, les gens, ils viennent me voir en me disant, ouais, je sais que tu détestes et tout. Oui, je discute volontiers. Après, donc, il faut avoir quelque chose à dire. C'est juste ça. Sauf que, en me levant, un peu précipitamment, je me prends les pieds dans la bretelle de mon sac à dos posé au sol et je perds l'équilibre. Dans un effet domino, j'ai renversé pas moins de 3 tables et une bonne dizaine de boissons dans un fracas assourdissant. C'était à quelques mètres d'Adrien, heureusement ou malheureusement, il avait ses écouteurs, il n'a rien capté, il a continué sa route. Plus de peur que de mal, finalement, personne n'a été blessé. Je me suis excusé auprès de tout le monde et j'ai remboursé les boissons. Mais dans la mémoire, je verrai toujours ce moment où Adrien était à la verticale, passant devant moi, puis une seconde plus tard à l'horizontale de dos, s'éloignant tel un cow-boy solitaire. Voilà. Je resterai donc à jamais une victime collatérale du passage d'Adrien sur cette planète. Très curieux de savoir où c'était pour voir si. C'est vrai. Non mais pour peut-être que je veux me rappeler d'un détail. Non mais écoute, si c'est la 3 tables, je pense que t'aurais vu passer le truc quand même. J'ai un nouveau chapitre à proposer qui s'appelle J'ai croisé Adrien. Oh la vache. Ah oui là c'est des gens qui ont des anecdotes liées à toi donc j'en fais une petite comme ça voilà. Ah, vas-y parce que ça va peut-être rétablir un peu une très mauvaise image que les gens se sont fait de moi ou l'inverse. Donc allons-y. J'ai travaillé à Bercy à l'accueil VIP des concerts, notamment celui de Big Flo et Oli pour bien sûr. En juin 2022, je vais orienter les VIP invités vers une entrée différente des VIP qui avaient acheté un billet. J'ai vu beaucoup de stars défiler, mais mon cœur s'est arrêté à la vue d'Adrien Méniel sortant du taxi, non. Tout de vert vêtu. Bon, du taxi, pas du tout, par contre. Ah bon? T'étais quoi? T'étais je suis venu en métro, je crois. Ouais, j'ai peut-être pris un taxi. Je sais plus. Non, ça m'étonne quand même. Un superbe ensemble de jogging vert, sortant tout droit des années 90, je m'en souviendrai toute ma vie. Un kickers. Comme il se dirigeait vers l'entrée des VIP avec ticket acheté, je lui ai directement dit, mais monsieur Méniel, les invités rentrent de ce côté. Il m'a regardé avec le plus grand des étonnements, sûrement surpris d'être connu. Ça, je sais pas. Moi, c'est un peu. Ça devient vexant. Non, non, en vrai, je me. Non. Je voulais juste qu'il sache que c'est moi qui étais surpris de le voir et que je suis très fan de lui. Mais dans le feu de l'action, je me suis pas souvenu de si ça lui ferait plaisir ou non de se faire reconnaître. Donc, j'ai pas fait de blague. J'ai rien pu dire, etc., etc. Je regrette, mais qu'il se sache, je l'ai bien reconnu. Vous êtes les meilleurs. Il a dit mon nom, donc je savais. Écoute, il voulait te dire qu'il t'aime. Non, voilà. Mais c'est gentil. Non, mais et après, ne pas faire une blague n'est pas une obligation. Non, mais je me souviens. J'ai maintenant, au sein de ce chapitre, un sous-chapitre, puisque j'ai reçu deux anecdotes intitulées. Ah, mais c'était une catégorie avec non, juste non, une c'est anecdote. C'est sur toi. C'est sur toi. Ok. T'es quoi? Je vais même pas spoiler avec le nom de la sous-catégorie. Vas-y. Je me suis battu avec Adrien Méniel. Maxime de Rouen, 39 ans. Je me suis fait interpeller par la police il y a quelques mois, dans mon camion type fourgon, pour poursuivre un délinquant en fuite qui avait renversé la moto du dit policier. Évidemment, moi, dans mon fourgon, j'écoutais le Floodcast. Quelle ne fut pas ma surprise, après une course-poursuite de 500 mètres à une vitesse dingue de 45 km/h et l'interpellation du criminel, que le policier me dise « Ah, t'écoutes le Floodcast ? Putain, Adrien Mielle, il me fait tellement de bien en fin de journée, quand je rentre, c'est sûrement grâce à lui que je reste calme en fin de journée. » Waouh. Ben, donc voilà, le, si l'objet faire, de ce mail si est « Adrien apaise la police ». Qui sera pas le titre, parce que je t'adore, mais j'ai très envie quand même. Est-ce qu'on a trouvé le remède contre les violences policières, etc. J'ai l'impression qu'on y est, puisque j'ai une autre anecdote pour toi, Adrien. Qui vient de Thibaut. Il y a quelques années, durant les manifs de Gilets jaunes, Thibaut InShape, malheureusement. C'est Thibaut InShape. Je peux pas dire son nom, mais ça ressemble un peu à InShape en plus. Adrien avait raconté dans le podcast qu'il s'était retrouvé dans un bourbier avec un cordon de policier alors qu'il ne participait même pas, il ne participait même pas à la manif, mais un des policiers l'a fait passer à travers le cordon, oui, en lui disant au passage j'adore tes vidéos. Je me souviens qu'Adrien avait dit c'est bizarre, je fais même pas de vidéos. Oui, il avait dit, me confondre. Il avait dit je suis abonné. C'est ça. C'est bizarre, je fais pas de vidéos, je fais plus de vidéos. Il a dû me confondre avec mon frère, c'est ce que tu avais dit dans le podcast. Ah oui, peut-être. Voilà. Quelques jours ou semaines plus tard, durant un repas de Noël organisé entre potes, l'un d'eux m'a sorti une anecdote. Il a croisé Adrien à Paris durant les manifs. Ah. J'ai fait le lien dans les histoires, je lui ai fait écouter le passage et il m'a confirmé que c'était bien lui. Il se trouve que mon pote ne s'était absolument pas trompé. On était ensemble ici dans les années 2013-2014 et on regardait toutes les vidéos de Golden, dont celle d'Adrien. Adrien, avec le Floodcast, on a également fait des lives. Exact. Pas mal de lives. Et d'ailleurs, on peut le dire, tu seras au Culture Fest. Alors pour expliquer un petit alors, peu aux gens, vas-y, voilà. Ah non, parce que c'est ma faute, ouais, on devait faire un Floodcast au Culture Fest organisé entre autres par Manon Bril. J'ai pas tous les organisateurs hélas, parce que moi c'est par Manon que j'ai discuté, mais je les salue. Et j'avais dit mais pas de soucis, grave, on est grave dispo. Je suis totalement en vacances, voilà. Donc je ne peux pas me rendre au Culture Fest, et je m'en suis rendu compte mais au dernier moment, assez tard pour vous dire. J'avais même pris des places pour aller voir Eric Clapton à Paris, très cher. Je ne peux pas aller le voir. Donc voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça t'apprendra à être un ringard. Non, mais il s'est passé beaucoup de choses là quand même. Bon, bref, j'ai zappé. Alors Manon a été adorable, elle m'en veut pas et tout. Mais du coup, Adrien. Oui, Adrien sera... était adorable aussi, surtout. J'aimerais revenir un peu là, t'allais aller vite. Mais du coup, en gros, voilà, c'est ça. Il y aura au Culture Fest Adrien Méniel qui va faire des jeux. On peut dire que c'est des jeux. Je vais faire un jeu, voilà. Une sorte de burger quiz. Mais. Rassurez-vous, rien n'est prêt au moment où je parle. Mais je vais écrire dessus aussi. Il y aura des petits jeux que je vais préparer également. Ça sera la tambouille d'Adrien. Mais si vous êtes sur Paris, au Culture Fest, alors il n'y a pas qu'Adrien, il y aura plein de choses superbes. Mais moi, je ne serai pas là, j'en suis désolé. Encore toutes mes excuses. Voilà. Je présente encore toutes mes excuses. Samedi 25 à 18h, voilà le passage. Mais bon, encore une fois, je ne garantis pas que ça va être formidable. Hein, mais il y a moyen que ce soit quand même très marrant. Qu'il arrive, même si c'est un fiasco, vous pourrez rire de moi. Au pire, vous rirez de moi. Ce qui est pas mal. Et je sais plus, je voulais dire un autre truc. Je suis beau. On fait pas ça. Ok. J'aimerais du coup raconter quelques anecdotes sur des live, dont une, alors qui est un peu longue mais qui est un peu folle. Ça vient d'un auditeur qui s'appelle Alexandre, qui n'écoutait pas le podcast il y a encore quelques années. Je résume un petit peu ce qu'il me lit. En septembre 2002, j'habite à Paris et je suis dans une équipe de rugby gay. À un karaoké, là-bas, je rencontre des potes de potes, etc. Bon, bref. Il me raconte beaucoup de détails, Alexandre, dans son mail, mais en gros, il va pour pécho quelqu'un. Mais il est un peu bourré, il est tard, machin, il se dit, tu sais quoi, juste le fait de pouvoir pécho cette personne, ça me booste mon ego, je suis ivre mort, je capte, je rentre chez WAM. Sauf que sur le chemin, il croit qu'il pète, il se chie dessus. Bien sûr. Des choses qui arrivent. Bien sûr. Et donc, Alexandre ne peut pas rentrer chez lui parce que il héberge quelqu'un, enfin, il en coloc, la personne héberge, bon bref, c'est un fiasco de A à Z. Il arrive à aller se coucher chez lui. Oui, oui, au final, arrive, il vire le pantalon plein de merde. Je pensais qu'il était allé chez le gars et qu'il l'avait pécho après avoir, avec son froc plein de merde. Là, j'aurais dit, bien joué. Non. Il rentre chez lui, le pantalon était plein de merde, etc., etc. Bon, il se lève à 13h, un peu trauma par cette histoire, et en même temps, je lis ces mots, je me dis que c'est pépite. Et là, je reçois un message d'un pote que j'avais rencontré en commençant le stand-up quelques mois avant et qui m'invite à l'Olympia parce qu'il a une place pour aller voir l'enregistrement d'un truc qui s'appelle le Floodcast. Il ne connaît pas. Incroyable. Je ne connais pas du tout et je me dis « Let's go, je me chauffe à y aller ». Et dès le début du show, j'entends que c'est deux potes qui ont commencé en parlant de pipi et de caca. Bon, oui, bon c'est un gros résumé, mais je vois ce que tu veux dire. Et je me dis « Waouh, trop tôt ». Et là, l'émission commence, et à un moment de l'enregistrement, il y a quelqu'un sur scène qui dit « Oh, mais ça pue ici !» Moi, je suis au dernier rang du rez-de-chaussée de l'Olympia. Il y a un truc de l'ordre de la destinée qui se passe, où j'ai l'impression que c'est de moi qui parle. Puis Cyprien arrive, s'excuse et prend un pantalon qui est censé puer la merde. Moi, je connais pas l'histoire à ce moment-là. Je suis choqué, juste parce qu'il vient de se passer. Comme il s'est chié dessus dans une... voilà. Puis à un autre moment, à l'écran... alors, il mélange un peu les anecdotes, mais c'est vrai que c'est fou. À un autre moment, l'écran de l'Olympia se baisse et démarre une vidéo de T différent qui explique que l'alcool, c'est marrant, mais que des fois, en boîte, on se chie dessus. Il raconte comment comment il s'est chié dessus en boîte. Moi je suis en gueule de bois fort et 12 heures à peine avant je me chiais dessus dans le marais. J'étais rouge en train d'essayer de me cacher sous mon siège. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un enregistrement qui m'était adressé. On est dans le Truman Show, pas à mes yeux. Ouais, bien sûr. Quelque part c'est Dieu qui a voulu que je sois là, je crois. Trou de balle chaud. The Trou de balle chaud. Ah, ça peut être le titre, hein. Non. T'as vu, mais faut le dire, c'est la maturité. C'est la maturité. On essaye de faire des titres un peu moins... Et je vous remercie pour ça, une histoire qui restera marquée dans les annales, clin d'œil. Allez. Donc comme quoi lui, il aime bien un petit peu les jeux de mots aussi. Il pourrait participer à la vidéo d'Amixem, faites-moi rire, gagner 1000 euros. La petite série de vidéos là, il y en a une à Paris, une à Bruxelles. Ils sont bien, ils sont super. Il y en a une au Québec. Et alors dans ce dernier chapitre, j'aimerais revenir sur ce qui a aussi fait tout le sel du Floodcast, à savoir les couilles de montage, de mixage, les petits problèmes d'enregistrement. C'est très méta, il manque les 10 dernières minutes de cet épisode. Voilà, il n'y a plus Adrien, je suis tout seul. Je suis chez moi, je vous enregistre cette fin d'émission 3 heures avant la sortie, car je viens de me rendre compte qu'il manquait la fin. Alors heureusement, on n'a pas beaucoup plus parlé que ça avec Adrien, mais du coup là je suis tout seul. Il devait y avoir aussi un autre auditeur qui nous appelait, qui a étonnamment beaucoup parlé du livre Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbert. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que son livre est dispo partout, et que si vous êtes à Paris, Baptiste sera en dédicace le 22 mai à partir de 19h au Book Bar de l'hôtel Grand Amour. Mais voilà, désolé pour cette fin d'émission un peu en queue de poisson. Mais voilà, comme je vous dis, on a pas beaucoup plus parlé que ça. Vous avez pas raté un truc si grave. Mais je termine tout seul. D'autant qu'on va faire une petite pause d'épisode là avec Adrien. À vue de nez, je dirais 15 jours. Je pense qu'il y aura 2 semaines sans émission. On se prend des petites vacances, Adrien et moi. On se les octroie. Mais on reviendra pour finir la saison quand même avec quelques numéros en plus. Alors, comme on l'a dit dans l'épisode, Adrien sera au Culture Fest ce week-end. N'hésitez pas à aller le voir. Il va animer un petit jeu très marrant. J'ai eu quelques insights, c'est très marrant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Il y a encore quelques séances des Leroy à droite à gauche, mais là, on arrive à la toute fin. Je sais que si vous êtes à Paris, il y a le Brady, par exemple, qui le diffuse. Le Lucernaire aussi, il me semble, dans le sud de Paris. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur nous-les-leroy-lefilm.com ou même sur Googleisez, en vérité, parce que nous, notre site, je crois qu'il bug en plus. Donc, Googleisez nous-les-leroy et la ville, et peut-être il y aura encore des séances. Je sais qu'on est dans pas mal de petits villages aussi. Mais voilà, c'est la toute fin. Donc, s'il passe près de chez vous, n'hésitez plus. Et sinon, il faudra attendre début août, je crois. On sort le Blu-ray début août avec tout plein de bonus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.